Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Justine Renaud viendra terminer son séjour parmi nous avec une dernière chronique Justine Pertine. Et Jimmy Thibodeau aura un autre sujet brûlant d'actualité à critiquer, oui oui, dans Gauche à RBVU. Plus que 7 émissions pour certains. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis ce mardi 17 avril 2018. On est à 10 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Mais pas pour longtemps! On l'a pas encore dit en nombre parce que c'est arrivé depuis l'émission d'hier. Ouais. Tania, finalement, au lieu de t'en rester 7, il t'en reste 3. Oui, exactement, qu'on compte à celle d'aujourd'hui. Ouais, Tania nous quitte ce jeudi avec notre émission spéciale d'une grosse pointe d'adresse. On va avoir bien du fun pour terminer ça avec ben toi. Ben oui, c'est sûr. Et moi, ben, je vais continuer avec mes 4 dernières émissions contractuelles. Exactement. Jusqu'au 26 avril. Ouais. Mais on va avoir du fun quand même. Ben et oui, c'est sûr. Faut profiter de toi pendant que t'es là. Mm-hmm. Et t'es pas la seule à qui on dit au revoir cette semaine. On dit non. Aussi au revoir à Justine Renaud. Mm-hmm. Malheureusement, qui va nous quitter pour une meilleure ville, je pense. Montréal. Elle s'en va étudier à McGill. Ouais. À partir de l'année prochaine. Donc, on va la voir une dernière fois à 7h30 tantôt pour sa chronique Justine Pertine. Elle va nous parler de musique et son lien avec la science, en tout cas la science derrière la musique, parce qu'elle fait depuis des années la chronique musico-scientifique Justine Pertine. J'ai bien hâte de voir ça. Elle va mélanger les deux ensemble, ça va être bien bon ça. Mm-hmm. Donc à 7h30. Ensuite à 8h30, notre habituel Dominique Notmavungu pour sa chronique Voix d'Afrique. Lui, c'est pas sa dernière, mais quand même, il va avoir supposément 2 invités aujourd'hui. Oh, OK. Quoi? 2 invités. Donc c'est dans Voix d'Afrique à 8h30. À 9h, Jimmy Thibodeau va être là pour Gaucher Bévue, gars de la gauche qui prend le sujet de la gauche. J'ai vu un petit peu le détruire ou le démystifier, si on veut. C'est dans Gauche à Bévue à 9h. Ta chronique s'en vient en toute fin d'émission aujourd'hui, Tania. Tania, est-ce que tu veux entretenir de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, vous savez, le fameux petit projet de loi sur la marijuana au Canada et au Québec, bien, je vais y revenir un petit peu. En fait, je vais essayer de démystifier pourquoi est-ce que lorsqu'on fume de la marijuana, on a tant faim. On a, okay. Oh. On a tant faim à dire que c'est comme une mauvaise liaison. Non, non, on a tant faim. Pensé à ça. On a Non. Ouais. On a faim. Exactement. Tantôt, j'ai dit 7h30, mais ça va être dans les prochaines minutes. Justine Renaud s'en vient incessamment au début de l'émission. Donc, on va faire la première heure pas mal avec elle, tant qu'à profiter d'elle pour une dernière fois. Hein? Donc, Justine Renaud, tantôt. Avant ça, par contre, une petite chanson de Foisy. On dirait que c'est comme ça va avec la température. Ouais, c'est fou. C'est fou, hein? C'est comme c'est froid, c'est moisi. C'est ça. À cause de l'humidité, c'est comme c'est foisi. C'est platounet. C'est vraiment, c'est déprimant. On va se le dire. Ouais. On va se le dire. Mais on est là pour mettre de la bonne humeur dans votre face et dans vos oreilles et votre incluant aussi les nôtres. Hein. Oui, oui, définitivement. Voici Foisy avec Chisasibi tout de suite. Assemblage requis jusqu'à 10h. See you. traces de pas sur les cœurs fait tomber. Je c'était Uni avec Mushroom Cloud. Ouh. À son âge. Ça pourrait prendre un petit bout de temps, mais j'aurais réussi à arranger. Ben ça, oui, Mathieu a un petit peu parti avec le micro ce matin. Ça tente-tu de remplir un peu pour l'instant? Ben ça ne dérange pas du tout. Je vais mettre une autre pièce avant de continuer ça. Ouais, ok. Si ça vous dérange pas. On écoute Sloan, The Day Will Be Mine. Et on revient avec Justine Renaud pour une dernière fois. Les micros tombent, ils veulent tous s'en aller, les autres aussi. Sun.

Octoplot et le calme pivote, la troisième pièce oui! de ce petit break musical pour ben essayer d'aider hein? Mathieu. Des fois, le studio collabore pas. Hein? Des fois, les micros tombent. D'habitude, c'est Justine qui les fait tomber, mais là, ce matin, apparemment, c'est moi. Toi, c'est exactement. Ça. C'est pas ma faute en tant que tel. Bon. T'es collé un peu hein, sur la console, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais là, hein, c'est ça. Faut voir, faut être là. Faut venir nous voir en studio pour savoir comment ça se passe. On est d'une configuration différente, mais c'est pas important parce que l'important, c'est de dire au revoir à Justine Renaud. Voici Justine Pertine. C'est le cœur rempli d'eau et la tête remplie de souvenirs que ce matin, je vous livre ma chronique bimensuelle à saveur musico-scientifique parce qu'il s'agira de la dernière. A-t-elle vraiment déjà été bimensuelle, par contre? oui, dans les débuts. Oui, c'est ça. Forcément bisexuelle, mais rendu là, je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus aux deux semaines, aux une semaine, aux trois semaines, peu importe. Hein? Ça a été difficile avec toutes mes allées et venues aux quatre coins de la planète et par la suite la thèse, etc. Mais à toutes les fois, lorsque je mettais les pieds ici, là, c'était toujours avec le plus grand sourire, le plus grand bonheur de la planète. Que les micros tombent ou pas, là, sérieusement, il n'y a rien pour défaire. La chimie qu'on a, je pense, à la radio ensemble, là, les trois, puis aussi par le passé avec toutes les autres qui ont passé par la porte. Exactement, mais c'est clair que Tania était là plus longtemps que les autres. Très longtemps, mon Dieu, je regardais ça. C'est quoi, 2015 ou 2016? 2014. Quoi? 2014? Et je regardais dans mes fichiers, c'est pour ça. Ouais. J'essaie de retourner en arrière depuis combien de temps, Tania m'endure. Je n'avais pas les dates, mais on voilà. Merci. Que t'as duré. On t'aime. Oh. On t'aime, Justine. Oh, c'est bien gentil. On parlera de qu'est-ce que tu vas faire dans le futur. À la fin de la chronique, c'est ça? On va commencer par parler de commencement. Absolument, parce que j'ai tenté vraiment de vous concocter quelque chose d'assez spécial. J'ai cherché un bon moment là, pour le thème idéal sur lequel clore cette série de chroniques pour me rendre compte que j'avais expliqué pas mal de phénomènes scientifiques déjà. Je commençais quasiment à me répéter. J'avais passé par les feuilles qui tombent à l'automne. Ça, c'était ma première chronique. Ah ouais. Aux sorcières, j'avais fait la rigidité cadavérique qui s'opère après la mort. J'ai fait les blizzards. Comme j'ai sérieusement parlé de pas mal plus de choses que Bill Nye, The Science Guy. Ben, donc, c'est vrai. Pas le même salaire. Le blizzard, t'as parlé de crème glacée. Hein, exactement. Non, mais t'as fait quelques petits arrêts dans ta chronique, ou en tout cas, avant cette chronique-là, il y a eu d'autres formats de chroniques. Ah oui. Je me rappelle de Les Béton. Les Béton, c'était fantastique. La chronique estivale à saveur LGBTQ, c'était tout ça. Mais pour aujourd'hui, je voulais traiter vraiment d'un sujet punch pour cette dernière. Je me suis posé la question à savoir pourquoi j'ai abouti aux ondes de C'est fou essentiellement. Ouais. Puis en fait, vous vous en souvenez. Vous vous en foutez. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, mes premières chroniques à moi remontent à 2011. Mm-hmm. C'était un méchant bail. On était loin du thème scientifique là, à l'époque. Là. Mes chroniques portaient au départ sur la musique qui me plaisait dans le cadre d'un segment intitulé « Les tartines de Justine ». C'est vrai? Quel nom, pas rapport. Ben, ça va avec le reste. Hein. Mais c'est... Justine Pertine, ça n'a pas même plus rapport. Ouais, ça n'a aucun rapport. C'est pas un mot, ça. Hein? Je parlais d'un artiste ou d'un album en particulier, puis l'été, comme je l'ai dit, là, je me laissais aller, je parlais de films provenant de la communauté LGBTQ. Et par la suite, la formule s'est transformée à quelques reprises dans mes chroniques intitulées « Justine aux platines » et « Justine procrastine ». C'est vrai. Mais à part les rimes douteux et la musique, ce qui reliait là, toutes mes activités à la radio, c'était justement la musique. Mm-hmm. Et pourquoi donc? Parce que la musique m'enivre tout simplement. Comme plusieurs parmi nous. On l'a déjà ressenti, hein, cette espèce d'émotion forte qui nous fait vivre la musique, là, la chair de poule, le cœur qui s'emballe, la gorge qui se noue. Parfois même, si on est chanceux, on est assailli d'une montée de larmes qui va complètement au-delà du sens même des paroles. Là. C'est juste inexplicable. La chanson pourrait ne pas avoir de paroles, la chanson pourrait être... C'est la musique d'Enya, là. On n'a aucune mousseuse d'idée de qu'est-ce qu'elle marmonne, mais finalement, ça nous fait brailler pareil. Mais c'est pas vrai de tout le monde, ça, par contre, cette espèce de sentiment d'enivrement. En effet, presque 50% des non-musiciens n'ont jamais éprouvé ce que je décris. Ouais, j'ai jamais vécu ça. Ah, ah oui, c'est ça, par curiosité. Ouais. Toi, Tania? Ben oui, moi, j'ai déjà vécu ça. Bon, ben, Mathieu, t'as pas d'âme. C'est ça qu'elle avait. Qu'est-ce que tu dis? Je suis où sans le savoir. Et voilà. Exactement. Mais c'est ça, c'est très fréquent chez les non-musiciens de ne pas du tout éprouver ça, cette espèce de sensibilité-là à la musique. Ça fait pas de vous de gens anormaux. C'est juste que ça vient moins vous chercher, puis il y a des phénomènes neurobiologiques derrière tout ça. C'est juste que vous êtes plate. Ben oui, merci. Mais je vous plains, hein, parce que c'est quand même un high assez high. Hein. Oui, c'est ça. C'est assez particulier. Mm. Mais qu'est-ce qui arrive justement dans ces circonstances-là? En fait, il s'agirait d'une réaction de stimulation par le système nerveux autonome. Ça, c'est la branche du système nerveux qui s'occupe à réguler les fonctions du corps qui ne sont pas soumises au contrôle volontaire. Donc, c'est involontaire. Mm-hmm. Par exemple, le contrôle des viscères et des glandes sont sous le contrôle du système nerveux autonome. Et donc, précisément, cette réaction du système nerveux autonome est en fait une des réactions les mieux conservées au fil de l'évolution, à savoir celle du fight or flight, de l'anglais pour combat ou vol, ou combat ou s'enfuir. En plus de causer la piloérection ou la chair de poule, mm-hmm. cette réaction de stimulation cause l'augmentation du rythme du cœur, de la sudation et de la profondeur de la respiration. Et toutes ces transformations-là corporelles là, sont nécessaires pour s'enfuir ou se battre vis-à-vis d'un danger. Ah ouais, OK. Okay. Pour couronner le tout, cette stimulation est accompagnée d'une dimension émotionnelle chez plusieurs. On se sent enivré, bouleversé, surtout quand on entend de la super de bonne musique ou un film qui nous fait complètement capoter. En fait, c'est que la stimulation par le système nerveux autonome est émotionnellement neutre. Si on est excité ou apeuré dans des circonstances X ou Y, le résultat physiologique est quasi identique. Donc, quand on écoute de la vraiment bonne musique, on va dire que cette chair de poule, ces frissons qui, dans une maison hantée, nous donneraient la peur, va plutôt nous procurer du plaisir et sont même source d'extase. Mm-hmm. Donc, c'est toutes des réactions là, que notre corps va nous faire savoir. Là. On mm-hmm. sait que notre environnement pose peut-être un danger ou quelque chose de particulier qui se passe, mais à la place de trouver ça une source de devoir s'enfuir ou une source de devoir se battre hein, pour rester en vie, on va en éprouver de l'extase. Et puisque le cerveau est responsable de réguler justement les émotions, qu'est-ce qui se passe dans notre coco? Bonne question qui a piqué la curiosité en fait de certains chercheurs qui ont pu démontrer que lorsqu'on écoute de la musique, il y a plusieurs zones du cerveau qui sont stimulées. Mais il y a une zone en particulier qu'ils ont démontré être davantage stimulée en fonction de comment on aime une musique qu'on entend. Et on nomme cette zone-là le noyau accumbens. OK. Joli petit nom. Le noyau d'Uncle Ben. Le noyau d'Uncle Ben. Exactement. J'arrive pas à croire que j'ai jamais fait ce lien. Quand tu pousses au maximum, il fait pop. Once you pop, you can't stop. Wow. En effet, dans une expérience scientifique, des participants étaient demandés de dire combien d'argent ils dépenseraient pour une chanson nouvelle qu'ils entendaient, entre $0 et $2. C'est les sommes typiques sur iTunes, ouais, par exemple, ou d'autres interfaces d'achat. Avec des divisions en 5 cents, 10 cents, 25 cents? En division d'un dollar. Fait que ça passait de 0 à 1 dollar, de 1 à 1,29, de 1,29 à 1,99, okay. Grosso modo. Et les participants faisaient l'écoute de plusieurs chansons. Les chercheurs se sont aperçus que plus ils étaient enclins à dépenser de fortes sommes d'argent, fortes sommes, là, 2 piastres, mm-hmm. pour acheter une chanson, plus le noyau accumbens était activé. En fait, le noyau d'Uncle Ben est une région du cerveau qui appartient au système de la récompense. C'est un circuit de neurones extrêmement important qui sert à la valorisation des choses dans notre environnement. Mm. En plus de la musique, le noyau accumbens réagit à toutes sortes de stimuli externes avec un potentiel de récompense, par exemple le sexe et plusieurs drogues. Mm. En fait, c'est vraiment drôle de constater qu'on a découvert l'activation du noyau accumbens par sex, drugs and rock and roll après la naissance même de ce terme. Donc, toutes les recherches qui nous ont permis de vraiment cibler le noyau accumbens lié à tous ces éléments-là qui nous procurent du plaisir, ça a tout été découvert après l'appellation « Sex, Drugs and Rock'n'Roll ». Mmh. Comme quoi, on le savait déjà bien avant que « Sex, Drugs and Rock'n'Roll », ça nous cause le même type d'extase. En bref, vous le savez peut-être déjà, c'est le neurotransmetteur dopamine qui est relâché dans le noyau accumbens qui signale à l'organisme « Hey, il y a quelque chose dans ton environnement qui nécessite ton attention. » Réveille, buddy. Ce processus s'accompagne aussi de la réaction de piédoérection, de l'emballement du cœur par le système nerveux autonome, etc. Donc, c'est toute une espèce de réaction physiologique qui s'opère vraiment pour nous faire nous rendre compte que quelque chose dans l'environnement tourne pas rond, que ce soit positif ou négatif. Mm-hmm. Hein? Mais c'est quoi exactement dans la musique elle-même qui capte, disons, notre attention, ouais, ou celle de notre noyau accumbens? Eh bien, cette structure fonctionne par la détection d'éléments inattendus dans l'environnement. Le noyau accumbens est activé lorsque le stimulus externe atteint nos attentes, mais il est encore plus stimulé lorsque le stimulus surpasse nos attentes, comme dans le cas de la drogue. OK. Quand là, on prend de la drogue, surtout pour la première fois, on exclut la personne qui parle. Non, c'est ça. Sachez-le. Qu'est-ce qui se passe? C'est que notre noyau accumbens est comme « Oh my God! Tellement fun! » Capote bien raide. Et c'est cette espèce de différence-là entre l'attente et la surpasse de l'attente qui va causer un déferlement là, vraiment gigantesque de dopamine dans cette région-là du cerveau. Une hyperactivité. Exactement. Puis le cerveau va comme complètement s'emballer et là, on va en éprouver là, toutes les espèces de symptômes qu'on éprouve à plus petite échelle quand on écoute de la super de bonne musique. Et comme ça, notre attention, grâce au noyau accumbens, est dirigée vers ce qui est saillant dans notre environnement. Qu'est-ce qui est important, disons, pour la survie de l'espèce. Et donc, dans la musique, il y a plusieurs éléments inattendus dans certaines des plus poignantes chansons, en particulier les séquences en harmonie. Tout un mot, en harmonie. Ah. Ce sont les mieux connus. Les séquences en harmonie sont deux éléments genre de les musique. Sœurs boulées, là. Exactement. Ce sont deux sœurs en harmonie. Mm-hmm. Des éléments de musique qui sont équivalents, mais pas identiques. Ils font un rappel l'un à l'autre. Fait que quand vous entendez une chanson et, par exemple, vous entendez deux notes équivalentes, donc deux do ou deux ré ou deux mi, mais qui ne sont pas à la même hauteur. Donc, do, do, je sais pas quoi, là, je suis vraiment pas bonne, là. J'ai pas l'oreille musicale. On les entend sur deux octaves différentes, mais ça nous procure cette espèce d'effet d'inattendu-là. Notre corps, il est comme genre, oh my God, it's so good. Même si ça fait comme 10 000 fois qu'on l'entend. I want more. Exactement. Ou on entend une autre chanson dans laquelle il y a des intervalles, donc c'est la différence en hauteur entre deux notes. Et si des intervalles sont en harmonie, on va employer des notes dont le changement de hauteur est identique au cours de la progression. Donc, si la progression est en harmonie, on a cette sensation-là de « Oh mon Dieu, c'est inattendu que la différence entre la première note et la deuxième note soit la même qu'entre la 2 et la 3, la note 3 et la 4, la note 4 et la 5. » Donc, par exemple, c'est le cas des quintes ou des tierces. À chaque trois notes, si la personne joue comme un do, fa, si, en accord comme ça, ça, on appelle ça une espèce d'intervalle en harmonie. Et parmi les séquences en harmonie les plus poignantes et donc inattendues, il y a en tête de liste l'appoggiature. Gros mot avec plein de doubles lettres, 2P, 2G, tout le kit, man. c'est lorsque dans une chanson, une note forte tombe. Elle tombe en plus grave. Un exemple donné en littérature souvent, c'est la chanson Yesterday des Beatles. Donc, Yesterday. Ça, là, l'espèce de Today. Ça, là, la ça nous arrive comme une sorte de résolution musicale. C'est inattendu, ça nous fait vivre des émotions, etc. Et pour revenir au processus physiologique qui nous font ressentir cette excitation quand on entend de la bonne musique, on peut se demander pourquoi l'activation du noyau accumbens et la stimulation du mécanisme de combat ou de vol nous procurent tant de plaisir quand ils sont associés à nous faire savoir que quelque chose d'inattendu et donc anormal se produit dans notre environnement. C'est parce qu'en gros, on devrait un peu capoter quand quelque chose de bizarre se manifeste dans notre environnement pour le bien de l'espèce, t'sais. Et au fil de l'évolution, ces mécanismes ont été conservés et à la place de ressentir la peur au moment d'écouter de la bonne musique, faudrait vraiment qu'on soit mal foutu. T'es en auto, t'entends une chanson pour la première fois, t'as trouvé donc bien bonne, puis tu te mets à capoter. Ouais, tu sors de l'auto précocement, avant la lumière. Oui, voilà. Le cerveau s'est adapté pour savoir qu'on est en fait en sécurité et qu'on va ressentir de l'enivrement, et non pas de l'environnement. On va ressentir l'enivrement à la place de ressentir le sentiment de devoir combattre, de devoir s'enfuir. C'est que le cerveau est pas mal intelligent, c'est qu'on est on n'est pas en réel danger. C'est le même sentiment dans une maison hantée. Oui, dans une maison hantée, on va avoir peur, mais on va aussi être complètement enivré, là, vraiment excité, stimulé. C'est positif pour la plupart des gens. Ben oui. Ça, c'est des fantômes de chanteurs connus. David Bowie, Michael Jackson, ils te font peur en s'enivrant avec leur chanson. Et voilà. Fait que je disais au début que je plaignais là, ceux qui n'ont jamais ressenti ce genre d'émotion. Pauvre Mathieu. Ouais, je m'excuse. Ouais. T'as jamais eu d'émotion en écoutant une chanson? Non. Mm-hmm. Je me suis toujours demandé ce que les gens voulaient dire par là. Une émotion en écoutant une chanson, j'ai jamais vécu ça. Mais il y a plusieurs gens comme ça. Ouais. Ce qui est vraiment étonnant dans ton cas, c'est que vraiment, en fait, le fait que tu fasses la radio provient d'un amour, je pense, intellectuel, peut-être, de la musique, que tu es capable de comprendre que la construction de la chanson est... Ça, oui. C'est ça. En peut-être que je suis justement trop terre-à-terre. T'es trop terre-à-terre, peut-être. Pas assez porté à penser, à laisser aller mes émotions. C'est peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas si ça s'apprend, mais en fait, sache que t'es tout à fait normal. Merci. Mais moi, j'en fais l'expérience vraiment assez fréquemment. Je vous dirais peut-être une fois par semaine. Et donc, j'ai sélectionné aujourd'hui pour vous des chansons qui me donnent cette chair de poule, un petit peu en espèce d'adieu, mais quelques-unes de mes chansons préférées de tous les temps. Que t'as déjà donc fait jouer à ta chronique? Non. Okay. Je me suis assurée de jamais faire jouer deux fois la même chanson. Consciencieuse. Si c'est arrivé par le passé, si c'était vraiment purement par... par hasard ou vraiment par omission, là, mon cerveau a décidé d'omettre le souvenir que je l'avais déjà fait jouer. Mais en commençant, on va attendre avant de la mettre dessus, parce que je voulais vous expliquer exactement quel passage, moi, me donne la chair de poule. Mm-hmm. Comme ça, vous allez pouvoir voir à la maison si ça vous donne la chair de poule et sinon me juger, tu sais. La première chanson que je voulais faire jouer, c'était de Daniel Bélanger, ce sont « Les temps fous ». Et la partie qui me fait vraiment absolument capoter dans cette chanson-là, c'est le bout du refrain où ce que ça commence. « Sentir ta main sur ma joue, ne pas la perdre comme on perd tout, les temps sont fous, aide-moi. » Ça, c'est ma première pour la voix, là, by the way. Mais c'est vraiment ce bout-là. Le refrain entier me fait absolument capoter. Là, j'ai pas analysé s'il y a des appoggiatures ou des enharmonies là-dedans, mais ça me fait vraiment, vraiment tomber sans dessus-dessous. La deuxième chanson que j'ai sélectionnée, c'est une chanson de The Smiths. C'est ma chanson préférée de ce band-là. Et ça s'intitule « There is a light that never goes out ». Et ce que j'aime particulièrement, c'est que vous allez entendre en fond une espèce de flûte en synthétiseur qui fait touti touti touti touti touti touti touti touti touti. Là, vous allez vous souvenir de tout ça, gang. Prenez des notes, c'est bon. Ouais. Et ce bout-là, là, juste ce qu'on entend en bruit de fond, l'espèce de petite flûte électronique, ça me fait renverser là à chaque fois. Et la dernière, c'est de Björk, c'est Pagan Poetry. Et cette fois-ci, c'est un frisson de paroles. OK. Donc, y a un bout où que la musique arrête, vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Vers la fin, un peu, la musique s'arrête et Björk fait juste répéter constamment « I love him, I love him, I love him, I love him. » Et c'est de toute beauté, là, vraiment, ça me donne des frissons. En commençant par « Les temps fous » de Daniel Bélanger, on écoute ça. Juste une pertine. Les frissons garantis, en tout cas pour moi. On écoute les apôts de confiture. Je suis épine. Les apôts de confiture. Des années liquides sur tes joues de continent. L'amour nous fait translucide ton nez joue à l'océan. Ton corps est un millénaire et mes yeux. Du bien.

love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, she loves this time. She loves him, she loves I'm gonna him. Keep it to him. Myself. She loves him. C'était l'unique Björk. On le sait tout de suite hein, quand c'est Björk, ouais. Quand t'es pas capable de comprendre ce que ça dit, puis qu'on a l'impression de communiquer avec un elfe. Voilà, c'était Björk avec Pagan Poetry, probablement une de mes chansons préférées de cette grande artiste. Avant ça, on entendait en sandwich There is a Light That Never Goes Out de The Smiths, ma chanson préférée de The Smiths. Et en tout premier, Les Temps Fous de Daniel Bélanger, ma tune préférée de Daniel Bélanger. Tu disais pour Pagan Poetry qu'il y avait un clip assez extraordinaire. Tu vas nous poster ça sur la page Facebook, toi, Fine. Sérieusement, c'est traumatisant. C'est assez ben dans le sens que je sais pas si ça va être. J'imagine, écoute, ben je veux dire, il y a de la nudité puis il y a des scènes graphiques assez particulières. Mais c'est de l'art. C'est de l'art. Okay. Pagan Poetry, si vous êtes intéressé, on va essayer de le poster, mais si ça marche pas, ne m'en tenez pas rigueur. Une version censurée, s'il vous plaît. Non, pff, écoute, il y aurait juste rien. Du fond noir. Un gros bloc translucide là. Dans le fond, ce que vous avez vu à la radio, c'était une version censurée. Et voilà. Exactement. Voilà. C'est vraiment très bien dit. Alors, c'était pas mal ça pour ma dernière chronique. Ouais. C'est comme ça, faut bien que ça finisse un jour. Hein? Effectivement. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est 7 ans et presque 7 ans. La moitié de ma carrière. Wow! Ouais. Bref, merci beaucoup, Justine. Ça Renaud. M'a fait tellement plaisir. Je voulais quand même prendre le temps là, de vous remercier, Tania et Mathieu, pour... vraiment là, tous les beaux moments partagés et surtout pour votre très grand, et moi je mange mes mots là, comme d'habitude, mais très grand professionnalisme. J'aurais jamais pensé pouvoir travailler avec une équipe de même dans un cadre universitaire là. C'est vraiment un cadeau de tomber du ciel, de pouvoir travailler avec des gens compétents comme vous et absolument très, très sur la coche. Là. Voilà, vous avez fait beaucoup de mes bonheurs matinaux. Merci, Justine. Et merci à toi d'avoir amené du contenu aussi intelligent. Oui, intelligent et inintelligent. Il faut la légèreté des fois pour rendre l'intelligent avalable. Avalable, comme on dit. Et, oui. Et tu l'as très, très bien fait. Les auditeurs avalent bien. Oui. Merci aux auditeurs et merci à tous ceux qui m'ont suivi peut-être de près ou de loin ou qui me prenaient par-ci, par-là, là, sur les ondes. Ah, c'est Justine! Ben oui, c'est moi. Fait que j'ai beaucoup apprécié pouvoir partager ces moments-là avec vous. Puis sachez que vraiment, là, on le fait pas mal pour vous. On le fait vraiment pour l'amour qu'on a pour la musique et pour ce qu'est vraiment l'expérience radiophonique à mon sens et à moi. Là, c'est vraiment pour ça qu'on le fait. Ouais. Donc, merci de toujours demeurer là, avec nous et fidèle. Là-dessus, je tire ma révérence. Ouais, voilà. Justine Renaud, on va refaire quelque chose un jour. Absolument. Oui, absolument. Non, mais ça sera probablement pas ma dernière. Là. Si tout va bien, jeudi matin. Jeudi matin? Oh. Oui, à ben oui. Bon Soir d'Aldresse. Et voilà. Une émission qui change de date comme on change de date. De fin de parfait. Contrat. Oui. Je suis désolée. Ben non, ça va. Donc, Justine, on te revoit jeudi matin, une grosse pointe d'adresse. Donc, on ne dira pas bye plus que ça. À 99%, je suis là. Là. Yeah. Yeah, on aime ça. Oui. Alors, on ne l'a pas dit encore en ondes, mais oui, on a déjà dit que Tania nous quittait ce jeudi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a déplacé notre émission spéciale, une grosse pointe d'adresse, à ce jeudi. La semaine prochaine sera une émission contractuelle jusqu'à la fin des temps. Pour l'instant, on prend une pause. Au retour. L'émission continuera avec, entre autres, plus tard, la chronique de Tania. Il y a aussi Dominique Nodemabungu qui s'en vient avec Voix d'Afrique. Il y a Jimmy Thibodeau qui va être là avec Gaucher à Bévue. Mais pour l'instant, une pause et on revient. À coquille. Pour toi aujourd'hui, assemblage de quilles. Le qui pour toi aujourd'hui, assemblage de qui. Oui, oui, oui, oui, oui. Yamantaka Sonic Titan avec Yonder, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Et maintenant, c'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. Oh, que ça ne me manquera pas de chanter cette chanson-là, mais l'entendre, par contre, ça me manquait. On entre dans les trois dernières chroniques de Tania is gonna entertain ya. Et aujourd'hui, tu nous parles de marijuana. Oui, exactement. Ben oui, tout à fait, parce que bon, je crois qu'on le sait maintenant, c'est un projet de loi qui est bien établi. La marijuana sera légale dans les prochains mois pour pouvoir consommer de façon personnelle. Et bien évidemment, il y a certaines questions qui suivent tout ça. Hein. Je pense qu'il y a certains parents qui sont peut-être inquiets par rapport à tout ça, mais je me suis surtout basée pour ma prochaine chronique d'un mythe, en fait. C'est quasiment un mythe, du moins on va comprendre pourquoi ce matin. Okay. Je sais pas si, Mathieu, tu as déjà fumé un joint. Une fois, c'était pas ouais, concluant. C'est ça, exactement. Donc, pour certaines personnes, fumer du pot, ça donne faim. Ou les munchies. Exactement. Ça donne faim. Puis on se pose la question, en fait, pourquoi est-ce que la nourriture goûte si bon quand on fume du pot? Ah. Oh oh. Parce que là, bon, hein, c'est sûr que si vous êtes de ceux qui allez consommer de façon régulière cette nouvelle loi, eh bien, vous allez voir que peut-être que votre liste d'épicerie ou votre facture d'épicerie va se voir monter en prix. Hey, c'est Frito-Lay puis les compagnies de Doritos là, qui vont c'est faire... C'est rarement le goût d'une bonne salade, tu sais. Donc, après quelques puffs de potes, eh bien, peut-être que vous allez être soudainement pris d'une envie quasi incontrôlable de vous mettre quelque chose sous la dent. Ça peut être gras, salé ou sucré. C'est vraiment dans ces environs-là qu'on s'enligne la plupart du temps. Après avoir fumé quelques puffs de potes, c'est rare, comme je le disais, là, qu'on s'en va vers quelque chose de santé. Tu vas pas te chercher un petit wrap à salade. Là, hein? c'est vraiment très, très rare. Alors que vous ayez déjà mangé auparavant ou non, votre appétit est de retour et justement, ça s'en ira pas tant et aussi longtemps que votre langue touchera pas quelque chose de savoureux. Ah oui. Vous allez avoir faim, ça va perdurer. Certains d'entre vous sont peut-être probablement déjà familiers avec cette situation si vous avez déjà consommé de la marijuana. C'est ce qu'on appelle, comme tu le disais, les munchies. En fait, c'est un phénomène qui est assez fréquent et qui est quand même connu de ceux qui consomment de la marijuana. Du moins, c'est ce qu'on a entendu dire. C'est un mythe, comme on le dit. Là, on veut savoir pourquoi est-ce que ça fait ça. Eh bien, il faut comprendre que le cannabis, c'est un cocktail de molécules. Donc, ça fait des siècles que l'effet du cannabis sur l'appétit, c'est connu, mais c'est pas quelque chose qui est très récent, comme on le dit. C'est pas que beaucoup plus récemment qu'on a entendu à étudier pourquoi on avait cet effet-là sur les gens. Comme n'importe quelle plante, en fait, le cannabis, il faut comprendre que ça contient de nombreuses molécules. Donc, lorsqu'on consomme de la marijuana, ça va se retrouver évidemment dans notre corps. C'est une classe quand même assez particulière de molécules qui est appelée les cannabinoïdes, qui est concernée dans le cas des munchies. Parmi ceux et celles qui se trouvent à fumer de la marijuana, eh bien, vous allez consommer, entre autres, de la tétrahydrocannabinol, donc la THC, soit la substance qui provoque ces fameux petits effets là, psychotropes tant recherchés. Par contre, il y a plus d'une centaine de cannabinoïdes qui ont été découverts dans le cannabis jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas les seules sortes de molécules qu'on connaît à l'intérieur d'une feuille de plante de cannabis, par exemple. Les molécules qui contrôlent notre faim, eh bien, il faut comprendre que lorsqu'on va fumer un joint, dans notre cerveau et dans d'autres organes, on va trouver des récepteurs qui vont réagir à des molécules qui sont appelées des endocannabinoïdes. À cause de leur nom, vous allez comprendre probablement que leur structure est quand même assez semblable à celle des cannabinoïdes du cannabis. La seule différence, en fait, c'est que ces molécules-là vont circuler dans notre sang de façon normale, même sans consommer de marijuana. Le rôle, entre autres, c'est de participer à la régulation de la prise alimentaire et de l'appétit dans notre sang. En temps normal, elles sont capables de s'occuper de cette mission-là sans problème. Mais quand on arrive puis qu'on se fume deux, trois petites puffs de joint, là, quand on ingère du cannabis, que ce soit en le fumant, en le mangeant ou en le vaporisant, là, parce que Dieu sait qu'il y a plusieurs façons de maintenant consommer du cannabis, eh bien, vous envoyez un paquet de cannabinoïdes dans votre sang. Et là, votre corps comprend plus trop ce qui se passe, là. Il y a comme l'alerte générale à bord. Et à cause de leur forme, qui est quand même assez similaire, bien le THC et d'autres cannabinoïdes de la marijuana vont pouvoir interagir avec les mêmes récepteurs que les endocannabinoïdes qui se retrouvent déjà à l'intérieur de notre corps. Donc, si on résume tout ça sans qu'il y ait des mots trop longs, vous avez déjà dans votre sang une molécule qui gère votre appétit et qui gère votre envie alimentaire. Elle est là, tout le temps, dans votre sang. Elle participe à votre routine quotidienne. Et il y a une autre molécule qui s'occupe à l'intérieur du cannabis qui a la même formule, qui est extrêmement semblable. Donc, lorsqu'on consomme les deux, eh bien, les deux vont venir se connecter. Les deux vont interagir ensemble parce qu'elles forment, elles viennent de la même famille. Donc, automatiquement, c'est comme si elles venaient se rejoindre pour pouvoir composer un bout de couple. OK? Donc, fait intéressant. On a également trouvé des molécules, en fait, qui peuvent interagir avec des récepteurs dans l'origan, la cannelle, le poivre, la carotte, hein? Le persil et le céleri. Donc, il n'y a pas nécessairement simplement le cannabis qui va pouvoir interagir comme ça sur notre appétit. C'est vraiment ce genre de molécules, en fait, qui va venir interagir. Ben, tu vois, ça, c'est le cannabis qui donne les munchies. Moi, c'est la canne à sucre qui me donne envie d'avoir juste plus de sucre. Bon, exactement. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre que lorsque les deux molécules vont venir se joindre, ça va influencer notre appétit parce que le cerveau va nous envoyer le message que c'est le temps de manger à nouveau parce que les deux molécules qui sont semblables se rejoignent. Donc, celle qui est déjà à l'intérieur de notre sang qui gère notre appétit normalement va venir rejoindre une fois de plus la molécule à l'intérieur du cannabis qui va nous donner cette envie de manger-là. C'est la meilleure, c'est la meilleure solution, la meilleure explication que je pourrais vous donner. Et non seulement certains cannabinoïdes augmentent l'appétit, mais on peut aussi favoriser le plaisir de manger. On sait toutefois pas nécessairement trop exactement par quel mécanisme est-ce que ça se produit, mais il y a des chercheurs qui croient que ce serait causé par l'effet psychotrope du THC. Qui se retrouve à l'intérieur des feuilles de cannabis qu'on consomme. Et cependant, les études sur le sujet sont vraiment rares. On s'entend aussi que la situation dans laquelle on va consommer le cannabis peut avoir un impact assez important. Le plaisir de manger, ça sera probablement pas le même dans un laboratoire avec des chercheurs qui vous observent qu'à la maison avec des amis et foirés sur un divan. On s'entend? Mais malgré tout, c'est quand même assez normal d'avoir l'impression que la nourriture goûte particulièrement bonne lorsqu'on a consommé de la marijuana, justement à cause de ces deux molécules-là qui sont venues se joindre. Elles font comme une explosion, en fait, dans votre tête, à savoir « Oh my God, j'ai tellement faim! » Parce qu'en temps normal, on a déjà cette molécule-là qui va régulariser notre plaisir de l'appétit. Donc, automatiquement, si on la joint à une autre molécule de la même famille qui gère la même chose, en plus du psychotrope du THC, c'est comme si tu disais à ton corps, « Man, t'es en extase de bouffe et de goût. » Mais tu dis quand même qu'il faut prendre le cannabis avant de manger pour avoir l'effet. Tu pourrais pas, mettons, faire des brownies aux potes ou peu importe comme ça et avoir un goût encore plus élevé parce que ça n'a pas encore fait effet. Exactement. Faut que t'en manges pendant un bout de temps pour avoir l'effet du cannabis et après ça, ça va devenir meilleur. Tu prennes ton temps, en fait, pour manger fameux brownies aux potes. Oui, exactement. Donc, il reste que c'est un effet secondaire de la consommation récréative de cannabis. Ça peut avoir des applications qui sont intéressantes en santé, entre autres pour les personnes qui ont de la difficulté à manger. Les personnes âgées, par exemple, qui ont perdu le goût de manger, tout simplement, ou qui ont perdu le plaisir de manger. Souvent, on va y aller aussi avec les jeunes filles qui ont des troubles alimentaires. Parfois, ça peut faire quelque chose pour avoir le goût de manger à ce moment-là. Donc, les personnes qui souffrent du sida aussi ou qui subissent des chimiothérapies, c'est un effet secondaire, malheureusement, que de perdre l'appétit à cause de certains traitements, à cause de l'âge avancé. Bien, justement, à ce moment-là, ça pourrait bénéficier d'une petite shot là, de cannabinoïdes pour leur redonner envie de manger. Donc, on l'utilise d'ailleurs déjà à certaines fins chez des patients pour pouvoir voir comment est-ce que ça se fonctionne en petite quantité, on s'entend, parce que là, on veut juste aller chercher un petit appétit. On veut pas aller donner à une personne de 65 ans l'envie de manger une pizza, une poutine, puis on s'entend. Donc, bref, même si s'il s'agit d'un phénomène qui est quand même assez connu depuis longtemps, eh bien là, on se concentre sur l'étude. On se concentre sur comment est-ce que ça va fonctionner avec les gens qui vont pouvoir en consommer plus souvent. Avec la légalisation, justement, du cannabis, il va y avoir certainement un engouement de la part de certains chercheurs qui va permettre de mieux comprendre les effets aussi du cannabis. Présentement, les débats sont quand même assez mitigés. On ne sait pas si on a déjà fait assez de recherches pour pouvoir vraiment légaliser à pleine capacité le cannabis ou s'il nous manque encore quelques informations. Est-ce qu'on a accepté ça trop tôt sans nécessairement trop l'étudier? Bon, malgré tout, on est persuadé que, en fait, la prochaine fois que vous allez subir le fameux munchies, bien, vous allez être en mesure de réfléchir à une théorie pour expliquer le tout aux gens entourés de vous. Voilà. Là, le meilleur dans les munchies, c'est les Sun Chips. Ah oui? Dans les munchies, c'est les sacs de munchies. Ouais, les, ok, oui. Il y a des chips, c'est un mélange de party mix. Ouais. Et je dois dire en passant, pardon Mathieu, de te couper. Ça va, je n'ai rien d'intéressant. Mais vous êtes peut-être de ceux qui écoutaient Tout le monde en parle parfois le dimanche. La semaine dernière, vous avez peut-être remarqué le nutritionniste urbain qui était invité à Tout le monde en parle. Eh bien, c'est justement sur son site à lui que j'ai découvert l'article qui parlait de cette étude-là. Alors, c'est quand même très intéressant de voir qu'au côté nutritionnel, au côté nutrition, on se pose les questions aussi par rapport à ce qui va se passer avec la légalisation du cannabis. On s'entend, si vous avez déjà certaines consommations de médicaments, on vous conseille pas d'aller vous taper deux trois joints par jour. Là. C'est loin d'être le cas. De vous informer aussi à vos spécialistes de la santé. Et bien évidemment, si vous êtes en bonne santé, vous avez eu un bon examen annuel, votre médecin vous a dit « ben let's go, il n'y a pas de problème ». Ben, dites-nous comment ça se passe, votre munchies, vous. Et qu'est-ce que vous mangez dans ce temps-là? Exactement. On veut des recettes? On veut des recettes. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tantôt, j'ai dit qu'il restait 3 chroniques, mais je comptais jeudi et il n'y a pas jeudi de chronique de Tania. Donc, sûrement la dernière demain, finalement. Probablement. Tania is gonna entertain ya. On a parlé de potes, on a parlé de cannabis, on va mettre le feu à ça, on va mettre notre célèbre et fameux feu de paille. Béné! Assemblage requis. Restez là tantôt, les palmarès, c'est fou. Pour vrai, on l'a joué tantôt? Ben, écoute, on a fait un bloc musical tout à l'heure pour aider la situation de ton micro. Oui, qui n'est pas encore arrangé en passant. C'est ça, exactement. On l'a joué. Ah, ben, Colin, c'est ma faute, ça. Après que Justine a dit qu'on était donc professionnel, là, c'est vraiment parfait. Oui, là, on l'est un peu moins à matin. Un petit peu moins. Est-ce qu'on a joué Hibou Hibou? Non. Non. Voici, accroche-toi. Yeah. la pièce Accroche-toi, un classique, on la joue tout le temps à Assemblage Requis, mais on l'aime, que voulez-vous, c'est Marc Gagné, il a beau jamais être là comme chroniqueur, mais au moins il fait de la bonne musique. Hein? Ben oui, tout à fait. Maintenant c'est le bloc des palmarès, c'est fou. Ah oui, c'est le moment de rendre visite à nos très négligés palmarès C'est fou. Et aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Et ici, à C'est fou, on est déjà en mode estival depuis le début du mois d'avril. Mm-hmm. Hein? Notre palmarès qui, en ce moment, dure du 16 avril au 29. Mais le précédent était, lui, du 2 au 15 avril. Donc, on va aller entendre à l'instant qu'est-ce qui nous a quittés depuis la dernière fois dans Palmarès in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis la semaine du 2 au 15 avril 2018. depuis la semaine du 2 au 15 avril 2018. Oh oui, on a commencé tout ça avec Dew et, comme vous pouvez regarder par votre fenêtre, un masque de neige qui est resté là pendant 8 semaines. De slush, hein? Ouais. On vit dans le déni, on fait semblant que ça n'a pas lieu, donc les yeux fermés de Dilarama a duré 4 semaines. On s'y donne, on veut du soleil et c'est Drug Train avec Donnant Donnant qui est resté là pendant 7 semaines. Même si des fois on aimerait être à un autre endroit, Someplace de Yamataka Sonic Titan qui a duré 4 semaines. Solid State et Frakes est resté là pendant 4 semaines. US Girls est parti vraiment fort. Je suis en claquant la porte avec Mad as Hell qui a duré 5 semaines. Est-ce qu'on est ensemble présentement? Oui, nous le sommes, plus pour très longtemps. Non. C'est Franklin Electric, oui, qui est resté là avec Are We Together Now pendant 3 semaines. Napaise est reparti se coucher dans sa grosse couverture hivernale avec I'm Bad qui a duré 4 semaines. Sunlight Days, chose qui n'arrive pas nécessairement très souvent. Ces temps-ci, il est resté là pendant 5 semaines. The Mimicking Birds. Et Matty Leon a reçu un signal d'arrest stop, finalement. Ben Signal oui. Hill, qui a duré 8 semaines. Voilà, pour Palmer Rest in Peace, les pièces qui nous ont quittés depuis les dernières semaines. En fait, on est aux 2 semaines déjà en mode estival en ce moment. Et Tania, tu nous as choisi une pièce jeune, celle qui n'a pas duré très longtemps à entendre au complet. Exactement, on va écouter celle qui est restée là pendant 3 semaines. C'est Are We Together Now, de Franklin Electric. Palmer Rest in Peace. Peace. I wanna feel what it feels in the deep end. I wanna know what it means to be sinking down. I want a piece of the pie, I want a secret. I wanna taste, wanna touch, wanna teach it. Feels like the boys and girls are telling secrets. I wanna scream it out, I'm calling to the spirits. I wanna feel like a bird in a cage, just a phone call away as I'm talking to my own self. Take me now, are we together now? Are we together now? Are we retour dans l'émission matinale Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Ok, oui. Maintenant, c'est le moment d'accueillir Dominique Notbabungo qui est avec nous. Salut, Dominique. Salut, Mathieu. Salut, Tania. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, vous? Ben oui. Oui, la session finit bientôt. Oh, c'est ça. Donc, c'est le moment de faire sa chronique Voix d'Afrique. Mavungu, Voix d'Afrique, où chaque semaine on parle des nouvelles du continent africain dans tous les domaines, sans aucune exception. Sans aucune exception. On va voir, il y a peut-être des exceptions, on n'a pas encore fait le tour. quel sujet est-ce qu'on n'a pas couvert encore, je sais pas. Bon, on n'a pas parlé de politique tellement. Il n'y en a pas beaucoup qu'on n'a pas couvert. Non, c'est ça, il ratisse large pas mal, Dominique, on aime ça. C'est ça, donc non, des politiques, je pense pas trop. Non, on s'avancera pas là-dedans. Non. Il n'y a pas d'un gars qui veut s'avancer là-dessus. Allons-y avec des sujets dans lesquels on se sent bien. Donc de quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Bon, déjà, on va commencer par les faits divers et tout. Donc au Mozambique, qui est un pays d'Afrique et tout, je pense à précisément Afrique centrale, Afrique de l'Est. Il y a une chanteuse qui risque à peu près jusqu'à six mois de prison pour avoir, selon les accusations du ministère de la Culture, profané l'image du drapeau. Oh. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, bon, elle a pris une photo d'elle, mais juste enveloppée du drapeau mozambicain. C'était juste comme une photo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux et tout. Et donc ça a provoqué, ça a lui attiré le foot du gouvernement en fait. Wow. Elle n'a pas fait l'unanimité. Non, ça, on a l'habitude de voir les Américains avec des sous-vêtements, ça, avec un drapeau américain dessus, il n'y en a pas de problème. Mais ouais, ok, là, pas le droit de s'habiller, juste de s'enrober. Ouais, juste de ça, donc apparemment le gouvernement l'a mal pris, donc là il risque quand même jusqu'à 6 mois quand même de prison pour ce geste là. Eh ben. Donc son nom c'est Yolanda, je vais juste regarder ça. C'est Yolanda Bois. Donc ouais. On espère que ça va s'arranger pour elle, hein, qu'elle finira pas en prison juste pour ça en fait. Bon, c'est, après, c'est une longue ça dépend. Sentence en plus. Bah ouais, hein, c'est 6 long. Mois. Ouais. C'est ça. Donc, bon, c'est une chanteuse en tout cas qui a déjà cette réputation-là un peu extravagante dans le pays, ouais. Mais on lui a souvent toléré quelques écarts. Donc, je pense que là, ça va être un peu. On espère que ça va passer encore une fois de plus pour elle. Hein. Ouais. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Ça va être un précédent en fait. Ça va faire peur aux autres de pas du tout porter ouais, c'est ça, le exactement. Drapeau jamais. C'est parce qu'il faut être fier du drapeau en même temps. C'est ça, ben. Mais quand le portant, c'est comme un hommage au drapeau, il me semble. Bon, ça n'a pas été interprété de cette manière, ouais, donc on va. J'espère qu'il était confortable. J'espère que c'est un drapeau de velours. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Pour que ça vaille le 6 mois. Donc voilà. Donc ensuite, toujours au niveau des faits divers, cette fois-ci au Gabon. Donc le musée des arts et des traditions de Libreville a été victime d'un vol d'un générateur. Ah bon, ça va bien. Donc mettons le générateur, c'est des groupes électrogènes comme il y a souvent des coupures d'électricité et tout, donc on fonctionne beaucoup au générateur ou bien comme de l'énergie de secours au cas où. Ouais. Donc là le générateur a été volé tout simplement. Donc ça a été un week-end noir, donc tout le musée a été resté plongé sans courant, donc il n'y a pas eu de visite, tout ça. Et mais ce qui est quand même un fait assez surprenant, c'est que le générateur il pèse quand même plus de 7 tonnes. Hello, c'est avec ça. Gros travail d'équipe. Ouais. On se demande comment est-ce qu'il a pu disparaître aussi facilement. La question reste posée, générateur de 7 tonnes. On voit les gens qui se pognent le bras comme dans « Ah, j'ai donc bien mal. » Ouais, c'est ça. Ça va être eux autres. C'est sûr. Donc le ministre a assuré que la lumière sera faite. Ouais. Sur cette histoire. La lumière. La lumière. Hey. T'as entendu le gars? Quel bon jeu de mots. Moi, j'allais dire, j'espère qu'il n'y a pas tiré là-dessus avec genre le drapeau. Il a tiré à plug. C'est ça. Hey, hein? Wow. On est en feu. Donc, voilà, ça c'est. Ben, je sais pas comment. Moi, en tout cas, personnellement, le fait même m'a vraiment assez étonné. Ouais. Je sais pas comment les personnes ont pu déplacer ça, mais. Mystère. Ils ont fait appel à l'équipe de Mission Impossible. Peut-être. Donc, le prochain film. Mais en tout cas, le générateur n'est plus là. Dommage. Ils vont en trouver un autre, peut-être. Ils vont peut-être demander des dons, je sais pas. Ah ben je sais pas, je sais pas comment ils vont se gérer, mais on espère que la situation sera réglée assez rapidement aussi. Ouais. Donc troisième fait divers avant de passer. Toujours au niveau des jeux du Commonwealth. Mmh. Donc j'en avais parlé la semaine passée qu'il y avait en ce moment, ça se déroulait en Australie en ce moment. Et un petit fait divers, c'est qu'il y a des athlètes, donc 8 athlètes camerounais qui se sont envolés. Donc ils ont disparu dans la nature en fait. C'est-à-dire que bon, ils sont allés en Australie pour les jeux. Et là on les retrouve pas. Donc c'est-à-dire qu'ils sont exil politique, genre. Ouais, peut-être. Parti voler une génératrice. C'est ça. Ah, il y avait un joueur de baseball professionnel qui avait fait ça pour les Aigles de Trois-Rivières. Ouais. Ils sont allés jouer aux États-Unis puis il est parti. Ploup. Sans le dire. OK. Donc, en plus, je veux dire, ils sont entraînés pour les jeux du Commonwealth pendant longtemps. Comment est-ce que tu peux juste penser à j'abandonne? Ouais. Donc voilà. Donc il s'agissait de trois haltérophiles et aussi les autres c'était des boxeurs. Donc trois haltérophiles, huit boxeurs de la délégation camerounaise, qui ont décidé tout simplement de. Est-ce qu'il y avait aucune chance de gagner des médailles? Non, mais on va apprendre dans une semaine, il était parti avec des petites Australiennes. Oh! Allez, gambader un peu. Donc, franchement, je sais pas s'ils vont. Parce que là, leur visa, il va bientôt. C'est sûr qu'il va expirer. Ben oui. Donc, tard, ils seront plus en situation régulière dans ce pays. Donc, ils vont pouvoir se faire arrêter potentiellement. Donc, on espère que ça sera pas le cas. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu drôle. Ben oui, c'est assez anodin. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Okay. C'est très courant. Enfin, c'est un phénomène qui est assez courant auprès des équipes sportives. Certes, ça arrive souvent qu'il y ait des athlètes qui décident de pas revenir avec la sélection. Mais puis, après, je sais pas ce qu'ils deviennent, ces athlètes-là. Parce qu'à la base, c'était un visa de. Mm-hmm. Pour pouvoir juste une entrée, pour pouvoir juste faire le concours et puis repartir. Donc là, je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais on espère qu'ils apprécient l'Australie et puis qu'ils vont profiter du séjour. Ouais, ils sont partis à la plage. Ça, belle place. Écoute. Ouais. Est-ce qu'ils avaient au moins fait leur épreuve ou L'histoire ne dit pas si. Donc j'espère qu'au moins. Au moins. Donc. Eux, c'est l'hiver qui commence au début de l'été. C'est ça. Ça va être leur automne. Ouais, je pense que ouais. Ah ok, donc ensuite on va passer, comme vous avez constaté, j'ai emporté des ingénies, des invités avec moi. Ben oui, nous ne sommes pas seuls. Non, on ne les a pas encore vus, mais ils vont apparaître comme par magie. Dans pas long. Donc j'en ai deux. Mm-hmm. Donc j'ai MDA qui est, j'ai déjà passé certaines de ses musiques. Mm-hmm. Ah c'est lui ça. Donc voilà, j'ai décidé de l'inviter. Il va nous dire quand même quelques mots, se présenter. Et ensuite, il y a Monsieur Lucien Henry. Mm-hmm. Il était Mister Gala des 5 continents. Oh. Donc il a gagné le concours au niveau des défilés et tout. Et puis une belle présentation, tout ça. Donc il est tenu à ce qu'il vienne avec nous. Ouais. Lui aussi, il aura quelques mots. Bah, on va commencer tout de suite par MDA qui va nous parler un peu de lui, vite fait. Salut, bonjour à vous. Bon matin. Merci à nous tous ici présents. Mm-hmm. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, tout ça c'est de sa faute. Merci à toi Dominique. De rien. Voilà. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui parmi tous. Et je me nomme MDA, je fais de l'afrobeat et du reggae. Je suis souvent absent, c'est-à-dire on ne me voit pas souvent... ici à Trois-Rivières. Okay, okay. Ouais, je suis un peu casanier, on va dire. Mais. T'habites dans quel coin? Juste en face du Tic Géant. Ok, bon. Puis t'as les prix ici. Si vous cherchez. Si vous cherchez, c'est un peu ça. Là où ça sent le PFK en permanence. Exactement. C'est un peu ça. J'adore se passer par là. Je sais qu'on a ça. Donc, il fait un peu de l'afrobeat et tout. Donc, du coup, je fais passer un peu ses musiques et tout. Et on a Monsieur Henri. Donc Henri, tu vas nous dire quelques mots déjà, te présenter un peu. Bonjour. C'est déconcentrant les écouteurs. Ça arrive. Salut. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci d'être là. Ah oui. Ça fait 6 mois que j'arrive ici. Mm-hmm. Pour Ghana, le Ghana, c'est comme une grande surprise pour moi. Oui. Oui. Franchement. Je ne préparais pour des paroles aujourd'hui. Ouais. Voilà, excellent. Est-ce que tu dois parler... c'est bon, bon français. Est-ce que tu dois parler quelque chose de mon culture Tu peux, si tu veux, tu peux. Oui. Ah oui. Tu viens d'où? Je viens de Chine. Mm-hmm, ok, ok. Ouais. Et t'as participé à ce gala. Et qu'est-ce qui t'a fait gagner ce gala, tu crois? Pourquoi est-ce que t'as gagné? Parce que je préparais un défilé avec le Kung Fu chinois. Ah ouais? Mm-hmm. Oui, mais je jouais le bâton. Mm-hmm. Comme Bruce Lee, est-ce que vous connaissez? Ouais, ouais, ouais. Qui connaît pas Bruce Lee? Ouais, ouais. Et ce sera très cool. Très bien. Ouais, ouais. Quand je fais mon discours, je présentais un petit peu de mon rap parce que je suis un rappeur amateur en Chine. Et je peux faire un rap avant des personnes. Ok. Ouais. Super, productif et talentueux. Ben ouais, vraiment. Ouais, mais maintenant, j'apprends beaucoup de français à UQTR. C'est vraiment bien. Se passe bien, en tout cas, on peut voir. Ouais, très bon élève. On se comprend, ouais, on aime ça. Ouais. Merci, merci. Mais je pense que le cours de français est un peu dur. Ouais. Un peu difficile. Ouais, faut se laisser le temps. Faut y aller tranquillement. Ouais, ouais. J'ai un peu détesté les conjugaisons comme ça. C'est ennuyant. On a de la misère et c'est notre première langue. Donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Donc je vous disais que moi j'ai connu au cours des défilés. Il a vraiment bien performé au cours de ça. Oh, Kung Fu. C'était un spectacle qu'il fallait voir. Ouais. Donc mais je sais pas si, mais il y a quand même quelques photos. Mais je sais pas si par contre il y a des vidéos qui sont disponibles sur la page du Complice pour ceux qui souhaitaient. Voilà, qui souhaitaient. Le Complice qui est évidemment le regroupement des étudiants internationaux en fait, mais après la page elle est ouverte aussi c'est juste une page Facebook dont tout le monde peut, voilà, donc tout le monde peut aller regarder le contenu et puis des événements qui sont passés, tout ça, et puis donner leur avis un peu sur comment ils ont trouvé ça en fait. Donc voilà. Donc du coup voilà, aujourd'hui je me disais que voilà, MDA qui fait un peu de l'afrobeat, ouais, qui pourrait comme je sais pas, nous fredonner un petit truc. Bah ouais, oh, ouais, gérer, ouais, là, du live afrobeat ou reggae, parce que je fais aussi du reggae. Ouais, bah ouais. Donc, je sais pas s'il voulait comme un instrumental en particulier, ou bien il allait le faire a cappella, c'est juste en quelques secondes là, pour le public, c'est pour la culture. Est-ce qu'il y a un instrumental en particulier? Ici, même Casanier. Non, je crois, en a cappella. En a cappella. Ok, bon, donc il va nous faire juste un a cappella, okay. Pas besoin d'instrumental. Donc, c'est un grand moment sur C'est Fou. MDA. MDA, live. Chaque doux réveil, je remarque ce beau soleil qui brille sur ma tête. Hey, comment pourrais-je faire pour voir? Hey, oh, oh, ça allait bien. Mister, coupé. Nous sommes en direct, on peut pas couper. Donc ah, il va recommencer son 30 secondes. C'est pas la magie de la radio. Ben ouais, c'est ça. Allez, MDA, donc, ok. Chaque doux réveil, je remarque ce beau soleil qui brille sur ma tête. Et qu'ai-je fait pour... Aïe. Bon, mais non, mais c'était bon. C'était mais, très oui, bon. Mais oui, excellent. Donc, donne-nous une de tes chansons préférées qui serait disponible sur Internet, qu'on puisse écouter ça au complet. Okay. Ça va être... Il y a MDA La Moula. Oui. Il y a Avec Toi, Avec MDA. Toi. Oui. Il y a Chérie Coco. OK. Laquelle tu préfères? Ben, Chérie Coco, Chérie Coco. Ben, c'est ça. Donc, ouais. On va entendre ça directement là. Ok. Et okay. Après, on a Henri qui devait nous faire un petit rap aussi. Parfait. Ben, on peut faire ça en premier. Ouais, on peut faire le rap de Henri et on se quittera avec MDA. Bonne idée. Ouais. Bonne idée. Ok, allons-y. Okay. Donc, Henri, à toi de nous faire un petit freestyle. Freestyle. Ok. Freestyle. Est-ce que tu veux un instrumental, like beat, or you will made it? Ok, ok. Ok. Quel instrumental est-ce qu'on se met? Donc t'as juste à mettre comme instrumental trap, mais ouais, trap. Mais il n'entendra pas là, ouais, par exemple. Ok, ok. Tu veux de hit un peu de beat. Elle va falloir que tu remettes tes écouteurs par contre. Ah oui, ouais, tout. Ok. Trap instrumental, je te passe ça. Merci. On y va, attention, c'est parti. Ok, Henry. Ok. Yeah. Yeah, tired with the morning push off, living and bury ghost mouth, bloodshed every mini roadway. All your niggas no fair, weather hidden every time and secret beat. I don't hesitate to call it on it. Ain't nobody get a fuck about the road. Either get it low, my soda too. I'm a cool with a Yankee snowball. When I bring this K at your fucking can, I feel it with nothing but my name, man. Yeah. Hey, I'm Bokini Chan, rest in peace to my superiors. Hermes, link of feet, village in Liberia. TNZ, talking picture, causing exterior. Mama see me on BT, stop turning up. I'm a stacker unique, how'd you get that try? I attend the Hollow Pity, rest your wrist, your life. Hey. Yeah. What? Oh, yeah. Oh. Il aurait pu dire n'importe quel mot. Ouais, okay. Ça a l'air vrai. Ok, wow. Ouais, en tout cas, on l'a l'affaire là. Ouais. En tout cas, belle. belle performance d'Henri. Donc voilà, ça sera disponible en vidéo. Oui, sur la page Instagram de la Brigade 555. Voilà, pour tous ceux qui voudraient voir le live d'Henri. Donc on va se quitter sur une chanson d'MDA. Donc il nous a pas dit la chanson qu'il préférait. C'est Chéri Coco qu'on écoute à l'instant. Chéri Coco. Ouais. Merci Dominique Nomavogou. Merci Mathieu. De nous inviter. MDA et Henri. Comment? Lucien. Lucien et Henri. Mais dis-nous son nom en chinois. Mon nom en chinois. Yes, you can. Huang Hanrui. Oh, ouais. J'aime ça. C'est trop compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Ouais, c'est pas du tout compliqué. Merci Lucien. Ouais, merci. À la prochaine, Dominique. Ok, à la semaine prochaine. On écoute ça, MDA. Chéri Coco. Mais c'est quoi le souci? C'est ce qui va pas avec ma démarche. Je suis un homme et bien. C'est quoi l'ennui? Quand moi je te tends la main, toi tu me tends pas la main. Mais pourquoi? Pourquoi? Je te souris chaque jour, mais en retour je n'ai rien. Mais dis-moi. Je souhaite pourtant être avec toi, dans les pires moments comme dans les bons. Je resterai pour toi un gentil soldat. Belle demoiselle, accorde-moi cette faveur. Ça vient du cœur, sois sans crainte, c'est sans rancœur. Belle demoiselle, accorde-moi cette faveur. Ça vient du cœur, sois sans crainte, c'est sans rancœur. Chéri Coco, sois-moi comme mon ange, mon amour, s'il te plaît, me quitte pas. Sois-moi comme mon ange, mon amour, s'il te plaît, me quitte pas. Sois-moi comme mon ange, mon amour, s'il te plaît, me quitte pas. Sois-moi comme mon ange, mon amour, s'il te plaît. Avec toi, je être t'es mon arc-en-ciel. Pour toi, je changerai jamais mon être. Avec toi, je être t'es mon arc-en-ciel. Pour toi, je changerai jamais mon être. Avec toi, je être t'es mon arc-en-ciel. T'es mon arc-en-ciel. Avec toi, je voudrais faire ma vie, non, ne me laisse pas. Je me donne tant de mal pour te garder, oui, près de moi. Avec tout ce que t'entends sur moi, ma chérie, laisse se fatiguer. Ils n'auront que la bouche ou parler, à part ça sur moi, je t'emmener. Là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut. Je promets de prendre soin de toi et t'emmener, oui, non, de tout ça. Là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut. Je promets de prendre soin de toi et de t'emmener vivre là-bas. Tantôt si, tantôt ça, je suis comblé à tes caprices. Mais là n'est pas la question, l'essentiel c'est que je te mets toujours près de moi. Tantôt si, tantôt ça, je suis comblé à tes caprices. Mais là n'est pas la question, l'essentiel c'est que je te mets toujours près de moi. Tantôt si, tantôt ça, je suis comblé à tes caprices. Mais là n'est pas la question, l'essentiel c'est que je te mets toujours près de moi. Ma chérie, ma chérie, non ne me laisse pas. Ma chérie, non ne me laisse pas. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, non ne me laisse pas. Chéri Coco, pourquoi tu fais ça? Chéri Coco, pourquoi tu fais ça? Chéri Coco, pourquoi tu fais ça? Ma chérie, ma chérie, non ne me laisse pas. Ma chérie, eh, ma chérie, eh, ma chérie, non ne me laisse pas. T'es mon arc-en-ciel. Brigade. Soniquement volume la casque et ça l'en a bien. Yeah, ok, yeah. Olu ki mwana bati o makango boi o fingi yen douala. Pose-toi la question, est-ce qu'on a jour ami bali petite et alingaka. Ozo bien mon asouke ma boko. Baninga ba PCF brésilienne. Incompétent que tu es le vieux gaou. Maintenant tu la traites de lesbienne. Bolinga ba jete me kufa vienga ubimisa mbongo Matala na pambo zo sala Ozano atane loko Matin midi son a venu kotanga mo sala opona Sangi sangi non angate Ochite me ya komona Bolinga ba jete me kufa vienga ubimisa mbongo Matala na pambo zo sala Ozano atane loko J'ai pas le temps de parler Moi, je moi avocat Et la paix si gaye Yoga, mon air moga Pas de son métier, pas de son métier. Banane antenne à bas chinois, après on vise des paraboles. Je sous-estime pas mon Renoir. Pour ta daron, tu vaux de l'or. Liki liki mambo kana oi. Comme mon avis, il n'y a pas de l'or. Bounaka bounaka si ta mort. Profite bien de tes beaux moments. Donne-toi à 100% Vega ou car la vie c'est un combat. Molo molo, la vie est ça. Yema Takunda. Vega ou, Vega ou, Vega ou, Vega ou, Vega ou, Vega ou. OCJ Black avec la pièce Vieux Gaou, c'était précédé de MDA qu'on avait en studio tantôt avec sa pièce Chéré Coco. On remercie MDA, on remercie Lucien, Henri ainsi que Dominique Nodmavungu. Ben oui, tout à fait. Pour une petite chronique Voix d'Afrique, on prend une pause. Au retour, ben on continue ça avec Jimmy Thibodeau dans quelques instants. Restez là. À son âge le qui toi aujourd'hui. À son âge le qui. Sondage qui pour toi aujourd'hui. Un sondage qui. Oui oui oui oui oui. Staring at the stars, it doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over a bar. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be famous. I think it could be. Staring Everybody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to be famous. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to be famous. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to be famous. Everybody Wants to be Famous par Super Organism, Assemblage requis. On est encore dans l'attente de Jimmy Thibodeau qui s'en vient avec sa chronique Gauche Herbe et Vue. Gars de la gauche qui prend un sujet de la gauche et l'exploite un petit peu, nous dit ses travers, je dirais. Mm-hmm. Ça, c'est dans quelques instants. Aussi, plus tard à l'émission, si on a le temps en fin d'émission, on va faire le bloc pub aujourd'hui. Oui. Mais avant ça, on a encore du temps pour de la musique, c'est ce que ça veut dire. On écoute US Girls. Voici Mad as Hell. Assemblage requis. Nulle part, on n'y voit plus trop bien. entre toi et moi, il y aura toujours un miroir. En demi-miroir et moi, il y aura toujours la fumée. Et ton nom qui est Jitrix, tu le liras à l'envers. Et dans ma tête à moi, ce sera toujours à l'envers. Marinelli et peinture à numéro qui est présentement sur le palmarès francophone. Et avant ça, ben, c'était Mad as Hell. Ben oui! Tellement de bonnes pièces que j'adore, en fait, qui, elle, nous a quittés après vraiment pas beaucoup de semaines. Je comprends exactement. Pas, je l'aimais. Mais c'est pas moi qui décide. Ouais. Toujours à Assemblage Requis, maintenant, il nous fait attendre sur le bord de notre siège d'excitation et de fibrilité, je dirais. C'est Jimmy Thibodeau qui est là pour sa chronique Gauche en Bévue. Salut. Bien le bonjour. Ça va? Bien, ça va, merci. Est-ce que tu as attrapé ce que Tania a? Ça y pique dans le fond de la main. Ça pique dans le fond de la main. Bien, parlez-moi en pas, ça risque de m'arriver aussi, juste parce que vous le dites. De l'urticaire, hein, ton prochain sujet, j'imagine que ça va te provoquer. Pourquoi est-ce que t'as un léger tempérament? Comment t'appelles ça, quelqu'un qui a peur d'avoir les maladies déjà? Hypochondriaque. Hypochondriaque? Non. Non? Non, c'est juste que... La démangeaison aussi, je pense que c'est quelque chose de... Je pense que c'est le tas de l'année pour ça, présent. Ouais. Il y a de l'empathie des fois qui marque dans la démangeaison. Comme dans le bâillement des fois, je trouve. T'as raison, c'est vrai. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, hypochondriaque, des fois tu vois un insecte, quelque chose, puis ça te met à te gratter, à te piquer parce que tu penses qu'il va te... C'est ça, exact. En tout cas, bref, est-ce qu'il y a un lien à faire avec ton sujet? Je cherche un lien, mais je sais pas c'est quoi ton sujet. Aucun lien possible. J'essaye des fois, tu sais. Non. Puis, la plupart du temps, ça marche. Mais je pense qu'il y aurait des. Ben non, ce serait des liens extrêmement douteux, non? Ah, mais c'est ça. Ma spécialité! Bon, mais non, je vais parler aujourd'hui de la gauche et la manière qu'elle voit le surpoids en société. Ah? L'obésité? Mm-hmm. L'enrobage. Chocolaté. Mm-hmm. Ouais, bon. Ça aurait pu faire à part, peut-être, mais. Ouais, ça aurait pu. Mais bon, voilà. La gauche, là, c'est. Ben, ça va être mon introduction. La gauche aime beaucoup utiliser la dichotomie groupe opprimé, groupe oppresseur, si on veut. Mm-hmm. Puis, c'est l'un ou l'autre, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre option. Donc là, on se porte à la défense des victimes. Mais t'es pas avec moi, t'es contre moi, c'est ça? C'est ça la dichotomie? Dans ce cas-ci? Genre, mettons, ouais. Puis là, il y a comme des mauvais, puis il y a des gentils qui sont opprimés, tu sais. C'est souvent une logique que la gauche fait pour discuter de certains débats, donc de manière assez noir et blanc. Mais, puis, c'est quand même une intention noble dans la mesure où on veut quand même protéger des gens qui ont des droits qui sont brimés, des choses comme ça. Bon, même si des fois, c'est un peu caricatural. Mais aussi, derrière ces intentions-là nobles, il y a des fois, je pense, des mouvements qui n'ont pas leur place, des mouvements de déresponsabilisation collective. Puis, il y a des groupes de défense de personnes qui rentrent dans cette catégorie de déresponsabilisation-là. Puis, je parle, bien sûr, de ceux qui sont en campagne contre le stigma supposé du surpoids. Puis, il y a ceux qui sont partis en guerre contre le fameux culte de la minceur. Ouais. Mm-hmm. Ben, ces gens-là, là, ceux qui sont... s'ils votent en guerre contre le culte de la minceur, ben c'est là qu'il y a un problème. Puis bon, là, je vais m'expliquer, je vais être plus clair. Là. Parce que c'est sûr que il y a des choses qui sont comme critiquées de manière très, très légitime là, en société aujourd'hui. Il y a des pressions sociales vraiment très, très agressives pour perdre du poids aujourd'hui. Puis des fois, c'est une pression vraiment comme beaucoup trop forte sur les hommes. On pourrait dire que c'est un poids. Un poids, ben oui, hein. Hey, sur leurs épaules. Quel choix de mots. Wow. Mais oui, donc un poids énorme pour les hommes et surtout pour les femmes, puis qui amène à plusieurs comportements alimentaires dangereux, comme l'anorexie, par exemple, la boulimie, mais récemment aussi l'orthorexie, qui commence à sortir. Oui. C'est une sorte de... Ben, c'est ça, d'orthodoxie extrême au niveau des aliments, si bien que... On est comme trop dans une sorte de régime, puis on n'en déroge pas, donc des fois, il nous manque même des nutriments. Genre que tu mangerais juste de la luzerne parce que tu penses que c'est ça qui va te faire perdre du poids. Ouais. Pas des diètes bizarres tant que ça à ce point-là, mais mettons, si quelqu'un qui est vraiment, vraiment, il dit « Moi, je mange juste des fruits, des légumes, juste des produits céréaliers entiers, pas de sucre. Ouais. » Puis à un moment donné, il fait « Manque de sucre » ou je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Puis bon, ça amène aussi un faible estime de soi, c'est cette pression-là super importante. Puis outre l'orthorexie, c'est là qu'effectivement, les trucs de manger juste de la luzerne embarquent. Les diètes dangereuses que les gens font pour perdre du poids. Genre manger des cubes de glace. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça, manger des cubes de glace. Le seul aliment qui est à calories négatives, en effet. Oui, c'est ça, exactement. Le céleri ne fait pas perdre du poids, c'est un mythe d'ailleurs, si vous voulez le savoir. Manger la glace, oui, par contre. Bon. Mais bon, ça donne absolument rien. C'est de l'eau, bois de l'eau. C'est ça. Diète dangereuse, comme les cures de joues aussi, qui m'était venu en tête quand j'ai écrit mon plan. Avec Jack Lalanne et ses extracteurs à jus. Ouais, des jus qui, justement, d'une part, sont super, super sucrés, puis d'autre part, ils ont plein de nutriments qui partent, puis c'est vraiment... Qui rajoutent par après dans des petits sachets de saveur. Hein. Ouais, c'est ça. Fais pas une cure de jus de 7 jours complet, parce que sinon, tu vas être très, très, très faible à la fin. Puis prends pas du Tropicana, parce que ça, il vous manque depuis des décennies. Là. Renseignez-vous sur le Tropicana. C'est pas bon pour vous. Non, mais du jus de genre Tropicana, comme du jus d'orange, tu sais, il y a certains mix de jus comme des smoothies où on garde encore des fibres un peu, puis c'est moins un sucre rapide, là, comme si on peut dire. Mais un jus d'orange sans pulpe, puis genre direct de même, ou même avec pulpe, ça change pas grand chose. Ça reste quelque chose d'aussi sucré que du Coke, puis c'est comme. Puis dis-toi que si ça peut rester en entrepôt pendant environ un an, ce jus d'orange-là, tellement qu'ils ont extrait d'affaires de dedans, là, un an, le jus d'orange, un an, c'est parce que c'est probablement pas bon pour toi. Ouais. Ah, mais pense-y. Ces rumeurs-là, je ne saurais les appuyer parce que je ne les connais pas. Les articles scientifiques que j'ai lus là-dessus, mais ça se peut que ce soit... Non, mais je suis pas mal sûr que c'est vrai. Ouais. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est sûr de mon côté, en tout cas, je sais que y a les sucres, vu qu'ils sont pas comme emprisonnés dans les fibres, dans le jus, tout ça, en tout cas, ils se digèrent super facilement, puis ça attaque le foie, puis c'est absolument épouvantable. Ouais. OK, bon, bref, sur les jus. Il y a aussi des modèles de minceur complètement irréalistes dans la société, tu sais. On le voit dans les pubs, on le voit dans le mannequinat où les gens perdent connaissance parce que, mon Dieu, que les régimes pour être dans le mannequinat sont serrés puis sont durs. Mm. Puis les standards sont vraiment difficiles aussi. La poupée Barbie, d'où est venue l'idée d'avoir des modèles de corps aussi irréalistes que ça? Mais puis en plus, ça s'est amélioré un petit peu en plus. C'est plate à dire, mais ça s'est amélioré en fait depuis... les débuts de Barbie, en fait. La forme sablière. Ouais. Mais elle est encore là, la forme sablière, mais un petit peu... moins pire. Un petit peu moins après les controverses. Le taille gap aussi. Des fameuses... C'est normal que tes cuisses se touchent quand tu marches, là, je veux dire, sérieusement. Ouais, c'est ça. Donc, mais des gens qui sont... puis ça dépend aussi de la physionomie, de la forme du corps, là. Exact. Puis tu contrôles pas tes hanches, tu contrôles pas comment c'est placé. Non, donc des gens qui veulent maigrir pour absolument que les cuisses se touchent pas, des fois ça peut aller vers des endroits assez assez dark, assez sombres. Pardon, l'anxiété. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Et puis une autre affaire qui plate aussi en société aujourd'hui, c'est la promotion d'un seul standard de beauté. Ça, je pense que c'est assez bien souligné des fois par les campagnes de sensibilisation contre le stigma des gens en surpoids, supposément. Des handicapés horizontaux. Je sais pas si on veut dire ça, mais des handicapés verticaux, ça serait quoi? Qui sont trop grands, trop petits. Ceux qui sont trop grands, trop petits. Ouais. Ah, peut-être. Ouais. Mais bon. Reste la diagonale, j'ai aucune idée, ce serait quoi? Un seul standard de beauté, d'où plusieurs mouvements, pour promouvoir la diversité des physionomies, puis ça c'est important parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir le même standard de beauté qui est promu par le marketing, puis par tout ce qu'on voit ailleurs dans la société. Ouais. Bon, mais par contre, c'est ça que je dis, c'est le fun de critiquer toutes ces affaires-là, mais il y a quelque chose qui est vraiment comme mauvais dans les campagnes de sensibilisation par rapport à ce sujet-là des fois. C'est carrément dire que il faut combattre toutes les critiques de l'embonpoint ou de l'obésité. Si tu critiques quelqu'un parce qu'elle est en surpoids ou parce qu'elle est obèse, c'est pas bon. Tu fais de la discrimination, t'es pas fin. C'est discriminatoire. Puis l'obésité devrait être acceptée socialement comme n'importe quel handicap, n'importe quelle couleur de cheveux, par exemple, des choses comme ça. C'est ce qui est défendu à plusieurs reprises. Donc, on veut défendre l'idée que c'est correct d'être gras, autrement dit. Pas que ça devrait être glorifié, mais que c'est correct. Mais c'est ça que je veux dire dans la chronique là, aujourd'hui. c'est ça que même si c'est pas glorifié là, ça on le comprend, puis ça il souligne avec justesse, mais quand même juste le fait de dire que c'est correct, je pense que c'est un gros problème. Puis là je vais rejoindre là-dessus les médecins qui se sont battus à ce niveau-là. Mm-hmm. Parce qu'on dit souvent de pas rire de quelqu'un pour quelque chose qu'il peut pas contrôler, tu sais, comme mettons grandeur, couleur de cheveux, mais tu sais l'argument pourrait être fait que le poids C'est contrôlable par un certain... Jusqu'à une certaine limite. Ça se contrôle, déjà, ça c'est sûr. Puis en plus, bon, c'est sûr, il y a des gens qui, dans certains cas extrêmes, peuvent pas, là. Oui, c'est ça. Mais bon, ça c'est... Mais c'est pour ça que c'est qu'il faut, faut comme emmener la différence suivante, là, que je vais vous pitcher tout de suite. OK, on fait attention. Il y a une différence entre le devoir de respecter une personne et le devoir de la considérer de manière égale. Oui. Versus être complètement non critique par rapport à avec les choix d'une personne. Et dire, continue de même, puis tu vas pas mourir à l'âge de... Ben, c'est ça. Donc, un exemple pour vous, pour permettre à tout le monde de bien comprendre, la cigarette. Si, par exemple, l'une des personnes... l'un d'entre vous, voilà la bonne expression. Si l'un d'entre vous fume, à qui de droit? Je vais quand même vous respecter, je vais quand même vous considérer de manière égale si je dois vous embaucher ou quelque chose comme ça, peu importe. Vous seriez pas moins des amis, tu sais. Tu passerais peut-être moins de temps proche de la personne parce que Colin s'en empeste. Hein? On va se le dire. Si t'as vraiment de la misère avec la fumée, c'est sûr. Ça, bon, la fumée secondaire, c'est une autre affaire. Mais bon, imaginons qu'il n'y a pas ce problème-là pour que ce soit exactement comme l'obésité. OK, parfait. C'est un exemple, c'est une mise en scène, tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben, donc là, on respecte quand même la personne, on la considère de manière égale dans toutes les circonstances, mais on trouve ça cave qu'elle fume. C'est ça. Puis on a le droit de trouver ça cave qu'elle fume. Ben, je trouve que oui. Puis on a le droit de trouver ça cave que les gens se bourrent la face au McDo pour prendre des Big Macs. C'est une cave qu'elle fume. C'est une très bonne comparaison parce qu'en tant que tel, OK, c'est difficile d'arrêter de fumer, nous dit-on. Là, tout le monde à qui on a parlé dans la vie dit que c'est donc difficile, c'est donc la pire affaire. Ouais. Donc, ils continuent à le faire. Même chose pour les gens qui sont en situation de surplus de poids horizontal. C'est difficile d'arrêter de manger une pointe de gâteau. T'sais. Ben oui. Ça se fait. Ben, ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Il faut être empathique envers les gens qui veulent arrêter. Ils savent là, qu'ils préféraient avoir être plus mince, là, d'habitude, ceux qui ont un problème avec ça. Une question de volonté. Ouais. Question de volonté aussi, mais c'est ça. C'est comme un entre-deux. Il faut comprendre que c'est difficile puis qu'il y a des facteurs externes aussi. Puis aussi, des fois, la santé mentale de la personne, différents facteurs. Bon. Mais en même temps aussi, il faut pas déresponsabiliser les gens. Il faut quand même que tu arrêtes de manger. C'est comprendre, avoir l'empathie, aider peut-être. Ben, est-ce que ça se fait? Aider aussi des fois quand tu as le temps. Dans la compréhension que tu as, évidemment, en l'appuyant dans ses démarches peut-être. Ouais, ben c'est sûr que c'est plus quelque chose d'individuel souvent. Là, oui, ben, tu peux plus aider avec d'autres trucs externes. Si par exemple, tu sais que tu stresses la personne, ben arrête de la stresser, ça va peut-être l'aider. Peut-être genre au moins pas lui nuire. Ouais, c'est ça. Elle dit « Hey, je t'appelle une poutine. » Mais bon, c'est à peu près ça. L'idée, l'essentiel de la distinction, c'est que je voulais faire. Mais des exemples, tu sais, mettons, les gens à la maison ne seront peut-être pas convaincus du fait que... Il y a des campagnes vraiment pour le fait que d'accepter que les gens soient fat. Hey! Discrimination est haut. C'est quoi, hashtag fatties? Non, on fait pas ça ici. On fait pas ça. Ah, non, mais vous allez bien voir que mon terme fat, c'est un anglicisme, mais quand même, c'est... c'est quoi, c'est dodu? je peux dire quand même ça, parce qu'il y a des gens qui se réclament fat aujourd'hui, et qui disent qu'on devrait accepter ça de manière... Ouais. Il y a même un article Wikipédia là-dessus, c'est bien drôle. Le Fat Acceptance Movement. Ah non. Okay. Ouais. Des fois aussi, ils ont dit que c'est le Fat Liberation, des affaires de même. Okay. C'est très... je t'ai pas dire drôle, mais en même temps, c'est juste, mettons, on va dire, curieux. Oui. Puis, donc, ça existe effectivement. Tu sais, il y a aussi des exemples très, très concrets. Il y a une comédienne américaine récemment. Il y avait un organisme de lutte contre le cancer, puis de recherche contre le cancer, qui avait publié des informations à l'effet que, bon, il y a des liens vraiment, vraiment évidents entre l'obésité puis le cancer. Puis là, t'avais une comédienne puis d'autres personnes qui l'ont rejoint qui ont dit faut que t'arrêtes, faut que le centre de recherche arrête de stigmatiser les personnes obèses puis les personnes en surpoids parce que ça les stigmatise, ça les rend pas bien dans leur peau. Puis faudrait arrêter de dire que l'obésité ça égale cancer, c'est pas vrai. Mais dans les faits, c'est effectivement vrai là. Tu sais, c'est un facteur de risque super important dans plusieurs cas. Tu sais, ils ont tendance à dire ouais, on peut être comme grosse puis être en santé, mais pas vraiment. Là, entre être mince puis être en surpoids, ben être mince c'est beaucoup mieux à plein d'égards. Mm-hmm. C'est un facteur de risque super important. Donc, faut pas. En fait, j'ai même des statistiques pour vous. Oh. Bon, pour les cancers. Bon, l'obésité, par exemple, est maintenant la deuxième cause de. En fait, dans les causes du cancer qui sont reliées aux habitudes de vie, l'obésité, c'est la deuxième plus grande cause de cancer. Après quoi, la cigarette? Après la cigarette, ouais, exactement. Tout à fait. Donc, et pourtant, ben ça, c'était un organisme britannique là, qui avait relayé la nouvelle. Et bon, seulement 15% des Britanniques le savaient de cette information-là. Et puis, ben c'est ça. Donc, c'est important d'en parler dans l'espace public, n'est-ce pas? Donc, c'est super. Mais les gens veulent pas le savoir. C'est ça. Ben, on dirait que le fat acceptance, ok, je peux comprendre l'acceptation et l'inclusion des gens. L'inclusion. C'est parfait, c'est génial. Mais de l'autre côté, c'est comme encourager, tu disais, la cigarette. C'est comme dire, ok, j'ai l'acceptation des fumeurs ou l'acceptation, je sais pas, jouer à la roulette russe, moi, ou à la place de jouer au poker, puis je me tire dans. On a le droit d'être critique envers des choses. Dans un des articles dont je me suis inspiré, la journaliste, elle dit, c'est bien de vouloir avoir une approche constructive d'inclusion, comme tu as dit, mais suggérer que un size 30, comme ils disent, un taille 30, c'est aussi en santé qu'être une taille 12. C'est des termes. Je pense que c'est des chiffres européens. Ouais, mais c'est ça, exact. Soit parce on que donner un petit peu l'idée de la chose. Suggérer que c'est la même chose, ces deux tailles-là, puis que c'est la même chose au niveau de la santé, c'est pas un message positif pour le corps. Il me semble que non. Manière. Non, c'est ça. C'est juste une manière, c'est juste une forme de, comment dire, de déni irresponsable et dangereux. Il me semble, puis c'est comme de dire que, OK, il n'y a pas de limite, là. Tu peux continuer de prendre du poids tant que tu veux, puis il n'y a aucun problème avec ça. C'est ça qui me dérange un petit peu. Puis pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui vont cacher cette sorte de fat acceptance movement là derrière le terme qu'on appelle body positivity, la positivité corporelle exactement en français, mais on retrouve beaucoup de ça en anglais énormément. On dit aussi body positive movement. Il y a plein de gens qui écrivent ça sur leur bédaine puis disent voyez-vous, ça me dérange pas d'être gros, je suis body positive. Ben tant mieux ça. Ben, c'est correct que tu sois confortable là-dedans, et c'est pas ça le problème. Non? Ben en fait jusqu'à un certain point, tu sais c'est correct si d'être bien dans sa peau puis d'avoir une bonne estime de soi, mais c'est peut-être pas la meilleure chose de dire moi je suis comme j'accepte complètement le fait d'être de faire d'être obèse et je changerai jamais et je changerai pas parce que je suis bien de même, exact, j'aime mon corps de même, c'est pas un bon message à passer, il me semble. Non, c'est ça. C'est comme si t'étais c'est comme tu fumais puis dis-moi mais mon cardio, mes poumons, tout ça, moi je m'aime de même. J'ai pas besoin de changer ma consommation de cigarettes. C'est le message que ça donne, parce qu'après ça, en disant ça en public, tu dis aux gens, si vous fumez, continuez de même, il n'y en a pas de problème. C'est ça. Puis pendant ce temps-là, t'as aussi d'autres personnes qui publient des livres. C'est carrément, c'est absolument, ça donne froid dans le dos. Je vais vous sortir rien. Des auteurs, par exemple, qui disent. Ne soyez plus gêné, ne vous excusez plus jamais d'être en surpoids. C'est pas une bonne chose. Il y a une fille qui s'appelle Megan Jane Crabby qui a appelé un de ses livres Body Positive Power, puis elle dit lâchez les diètes, tout ça c'est inutile. L'idée c'est d'accepter d'être correct dans le corps qu'on a, puis genre vivre sa vie, waouh, tout est beau. Dans le corps qu'on a, comme dans genre le corps qui t'a été donné, comme si t'avais aucune responsabilité là-dedans, c'est ça? Puis comme si c'était comme inné, puis t'avais pas le choix, t'avais pas le contrôle là-dessus. C'était un bébé de... Ouais. Je sais pas quel poids donner à ce bébé-là pour qu'il y ait l'air gros. Je connais pas ça, ces poids-là. Ça, je pourrais te dire. Puis d'ailleurs, dans le descriptif du livre, t'as en grosse majuscule en caractère gras. Si vous êtes écœuré d'être en guerre avec votre corps, alors ce livre est pour vous. J'aime ton expression caractère gras. Ouais, c'est ça. C'est un bon titre de livre en général aussi, caractère gras, body power. Caractère gras, ouais. Ça ben en français, oui, mais pas en anglais. Non, avec bold. Ouais. Bon, une autre belle citation. A powerful call to arms as much as it is impersonal and practical. Tu sais, c'est quand même fort. It's time for us to all stop believing the lies we've been fed about what it means to be beautiful and take our power back. Mm-hmm. Ouf. Tu sais, bon, c'est ça. Donc, pour la beauté, c'est sûr que c'est intéressant de considérer les personnes comme en surpoids ou plus obèses, puis dire que ces personnes-là peuvent être belles. C'est bien, c'est un beau message. Ça, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement comme un corps désirable dans le sens où c'est pas... Non, mais ça peut être désirable aussi, c'est pas ça non plus, il me semble. Ouais, désirable dans le sens de... au niveau général, là, en termes dans de santé, puis tout ça, là, c'est ouais. Ça. Ouais, ouais, pas en termes de libido, tout ça. Là. Donc, voilà. On veut juste dire qu'on veut votre bien, bon. Mm. Hein? Donc, ces maudites incitations-là à rester comme on est, des fois, vont vraiment très loin. Il y a même des campagnes pour ça qui vont faire un petit peu de shaming envers des personnes qui font beaucoup d'efforts pour maigrir. Ah, OK. Ah, ouais, okay. Disent « c'est pas correct ce que tu fais, tu devrais t'accepter comme tu es. » Au naturel. Voilà, au naturel. le maudit fameux mythe du naturel dans le corps, le maudit, il revient au galop des fois, tout le temps pour justifier des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est quoi la position naturelle, justement? C'est quoi? C'est juste rien faire puis vivre? Ou bien... Ça a aucun sens. Ouais. C'est juste pour promouvoir le statu quo, cette affaire ouais. naturelle, dans toutes les circonstances. Mmh. C'est comme pour n'importe quoi, l'utilisation de produits chimiques, n'importe quoi. C'est ouais. toute l'histoire de naturel, c'est la même chose. Agressif ouais. sur là-dessus aujourd'hui. C'est quoi quand t'es juste sur une position puis que tu ouais. pousses cette position-là, là, t'es uni en tout cas. Persuasé. Je persiste tes signes, je sais pas. C'est ça. Mais bon, j'avais déjà fait une chronique là-dessus, c'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil à ça, je pense. Bon. Donc, ça, des incitations fortes, puis même du shaming, des fois, c'est absolument incroyable, cette affaire-là. Donc, oui, il y a une différence entre respecter puis accepter de manière complètement non critique. Donc, c'est important. Puis, il y a plein de mythes à cause de ça qui sont véhiculés dans ces campagnes-là. Le fameux « fat but fit », ouais. Oui, c'est ça, gros mais en forme. Gros mais en forme, ben oui, c'est ça. Je suis comme, j'ai du surpoids, mais je suis en forme pareil. Je fais de l'exercice deux, trois fois par semaine. Je suis grand mais petit, puis tu sais, ouais. je suis noir mais blanc. Ou encore, surpoids n'égale pas mauvaise santé. J'ai mon oncle qui est super gros, puis il est en forme, blablabla. Bla, bla. C'est pas vrai, là. J'ai pas d'oncle qui est super gros, puis en forme, mais c'est un exemple. Là. Mais c'est tout le temps ce maudit exemple-là. Mais ça change rien parce que même, en tout cas, je recite un petit peu l'article de journal que j'ai cité tantôt, même pour les gens qui sont en surpoids puis qui sont actifs physiquement, ils ont quand même 18% plus de chances d'avoir une maladie cardiovasculaire au cours de leur vie quand même. Donc le surpoids en tant que tel, ça fait mal à l'organisme, puis c'est pas bon là. C'est même si t'es fit là, on s'en fout. C'est pas ben c'est le fun que tu sois fit, oui, mais c'est un facteur de risque quand même, tu sais. Donc voilà. Et puis deux arguments intéressants aussi là-dessus en finissant. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le mouvement de fat acceptance, il y a beaucoup d'histoires de « il faut lâcher les diètes, on s'est auto-flagellé trop longtemps ». Mais moi, je trouve ça intéressant dans le sens où les diètes, là, c'est vraiment populaire en Amérique du Nord, puis surtout aux États-Unis. Puis les diètes, on le sait maintenant de plus en plus, ça marche pas vraiment. Il faut vraiment comme avoir un régime alimentaire varié et qui beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fibres, blablabla, des trucs comme ça, une alimentation saine, mais pas nécessairement comme spécifique, puis faire de l'activité physique. C'est ça qui permet de perdre du poids puis d'avoir un poids normal. Mais il y a des gens qui prennent des diètes, par exemple, manger... se concentrer juste sur les fibres, sans gluten, cure de jus, par exemple, aussi manger juste vert, toutes sortes de diètes, n'importe quoi. Mais ces diètes-là ne marchent pas, ne fonctionnent pas du tout, permettent des carences et permettent même des fois le poids de jouer un petit peu au yo-yo. Mm. Donc ça marche pas vraiment ces sortes de diètes-là. Et ça, c'est important de le mentionner. Puis c'est, ça a peut-être contribué un petit peu à ce fat acceptance movement-là parce que je pense que ça a permis à beaucoup de personnes de se décourager de perdre du poids. Ben oui. Puis à penser que finalement, ah, c'est donc bien compliqué les diètes. Mais finalement, ça a peut-être joué en la défaveur de la perception comme de la perte de poids. Donc, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Donc, peut-être intéressant de creuser cette chose d'un point de vue sociologique, mettons. C'est un creux. Ouais. Puis, il y a d'autres gens qui vont dire aussi, ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens, par exemple, pour la cigarette, qui vont dire, c'est moi qui la fume, tu sais, je t'oblige pas à la fumer. Puis là, tu vas dire, ouais, la fumée secondaire puis la fumée tertiaire qui permet quand même d'affecter la santé des autres. Mm-hmm. Mais pour les personnes qui sont en surpoids, c'est intéressant, cet argument-là, moi, ça me dérange pas d'avoir les problèmes de santé qui viennent avec. Moi, je veux manger comme je veux. Puis, si ça me rend obèse, c'est pas grave. Je suis bien correct. C'est mon choix de vie. Fait que tu as rien à faire avec ça. Mais j'imagine que là, tu vas amener le fait que c'est la société qui paye pour ça à l'hôpital, hein? C'est exactement ça. C'est tout à fait la même chose pour la cigarette, d'ailleurs. C'est pas juste la fumée secondaire qui est un bon argument contre ça. C'est le fait que c'est un méchant fardeau. Beaucoup, beaucoup d'argent qui sont dépensés pour les cas d'obésité. Si on empêchait l'obésité, si on la prévenait le plus possible, on sauverait tellement d'argent. Une chance qu'il n'y a pas de... En fait, il devrait y avoir des saveurs secondaires. Ouais. Tu sais, quelqu'un mange un gâteau, tu peux comme le goûter à distance. Ouais, puis bon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'aux États-Unis, la moitié des gens sont en surpoids maintenant. La moitié? La moitié. Wow. La moitié. Puis 33% sont obèses. Wow! Ça monte. Puis même au Royaume-Uni, ça monte aussi. Tristement, on pensait que l'exception européenne est tellement cool, mais 26% des British sont maintenant rendus obèses, sont considérés comme obèses aussi. Puis les fish and chips, hein? C'est ça. Puis, les admissions à l'hôpital pour des maladies liées au poids ont monté de 18% aussi dans la dernière année là-bas. Truc intéressant. Et puis, évidemment, on peut pas calculer comme précisément c'est combien de pourcentages d'admissions à l'hôpital sont reliées à l'obésité parce que c'est un facteur de risque important, mais pas tout le temps le seul, blablabla. Ça coûte énormément d'argent, c'est relié au cancer, donc... Et ça coûte de l'argent à la société de traiter ces affaires-là. Ben oui. Énormément. Puis, c'est un fardeau. Ça permet à des gens d'être moins productifs. Donc, aussi, financièrement, à ce niveau-là, ça ne marche pas. Ça affecte la qualité de vie des gens. Puis, la qualité de vie des gens autour aussi, de certaines manières, dont on peut imaginer. Ça emmène des morts prématurées, qui sont aussi mauvaises pour l'entourage aussi. Donc, on peut aussi aller chercher de ce côté-là des arguments. Les sièges d'avion, c'est serré des fois. Des sièges d'avion. Ouais, aussi. Mais c'est sûr qu'il faut faire des accommodements pour ça, mais faudra toujours en faire parce qu'il y a toujours des... Ça fait une grosse controverse quand ils ont essayé de charger pour deux sièges, hein. Il y a quelques années, à un moment donné. Hein. Ah, ouais. Je me rappelle pas de celle-là. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est ça. Donc, il y a un fardeau vraiment important en société, donc... C'est une affaire de collectivité, cette affaire-là. Puis il faut aussi, tu sais, les affaires comme la sensibilisation, c'est aussi un petit peu ce qu'on veut laisser à nos enfants, tu sais, comme société. Donc ça, c'est super important à mentionner aussi. L'obésité, ce n'est pas un choix individuel correct et tout ça. On a le droit d'intervenir. Évidemment, respecter les choix des gens, c'est correct, s'ils veulent être comme ça, mais quand même inciter les gens, être capable aussi de critiquer ces choix de vie-là. Donc, même si on respecte la personne puis on comprend des fois que c'est difficile ou que la personne ne peut pas faire autrement dans certains cas exceptionnels, l'idée des gros os ou des affaires que c'est pas de sa faute, c'est les gènes, là, la plupart du temps, c'est pas mal plus parce que c'est pas vrai. Là, mais des fois, ça peut être vrai, donc il faut respecter ça. Mais bon, sinon, il faut être critique. Puis le surpoids, c'est mauvais, puis c'est comme la cigarette, c'est un problème de santé aujourd'hui populaire, puis il faut y remédier. Donc voilà, ce n'est pas un groupe opprimé, les gens en surpoids, bien sûr, ils ont du stigma aussi, c'est sûr, oui, c'est clair. Oui, on peut faire les deux, hein. On a le droit de les encourager à être inclus, ainsi que les encourager à faire quelque chose. Finalement. Exactement, mais l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Non, exact. Voilà. Voilà, Jimmy Thibodeau, un sujet... comment dire, lourd, hein, c'est ça? Il fallait que je finisse par ça, je pense. Jimmy Thibodeau, gauchère bien vu, on te retrouve la semaine prochaine. C'est toujours, on te retrouve bien la semaine prochaine, ouais. Oui, pour la dernière chronique de la session. Mais c'est mercredi-mars, voyons. On coupe sur mon tasse. Le gars dit n'importe quoi. Les mardis à 9h. Oui. Gauchère bien vu. Merci. Merci. On prend une pause. Au retour, on se vend des choses dans le bloc pub. Oh! Assemblage requis de toi aujourd'hui. Assemblage requis. Assemblage requis de toi aujourd'hui. Assemblage requis. Yeah. hot in these three things. Hein, c'est des TH, c'est pas mal, hein? Eh, hey, bye-bye, hein? Toujours à l'assemblage requis, il nous reste une petite vingtaine de minutes, donc dépêchons-nous avec le bloc pub. Venez au bon marché! Oui, papa! Tout le monde aime! Ah, ah! Je préfère le good. Le goût rafraîchit le goût des I love you and I kiss you. 4,99 la minute. Pas cher. Le bloc pub, c'est la chronique où on parle de marketing, d'idées pour vendre les choses, hein, contrairement à sexy où ça devrait pas, où on s'achète des choses, là, on vend des choses. Hein. À dévoiler à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, le 11 avril dernier, la campagne Shake Parkinson's Off de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière utilisait la technologie pour faire ressentir les tremblements qu'éprouve le protagoniste. Signé Publicis Conseil, l'offensive consistait en un film publicitaire de 2 minutes retraçant la vie de Tom, un homme atteint de la maladie de Parkinson. De son enfance à ses vieux jours, la caméra suit son parcours puis s'attarde sur différents moments de sa vie chargés en émotions qui le font trembler comme un accident ou un premier amour. Toutefois, lorsque les symptômes se font plus insistants, son tremblement n'est plus attribuable aux émotions mais uniquement à la maladie de Parkinson. Pour faire comprendre cette réalité aux téléspectateurs, l'opération recourt à la technologie afin de déclencher le vibreur de votre téléphone pour recréer pendant le visionnement les tremblements qu'éprouve Tom à l'écran. Le tout en posant la question, serez-vous capable de différencier les bons tremblements des mauvais? Fort, hein? Et pour visionner la publicité avec les vibrations, il faut avoir le navigateur Chrome sur un appareil Android. Vous pouvez aller voir la publicité sur assemblagerequis.com. Ensuite, Cinemia débarque au Canada. Alors que la société américaine MoviePass, qu'on connaît pour un service pour être un service de billetterie de cinéma par abonnement, là, tu payes 10$ par mois et tu peux aller voir un nombre de films, là, je crois que c'est un film par jour pendant un mois, quelque chose comme ça. Bref, eux, MoviePass, n'ont pas dévoilé leur intention de venir s'installer au Canada, mais la concurrente Cinemia a timidement démarré ses activités au pays. Fondée par l'entrepreneur turc Rifat Oguz en 2014, Cinemia avait levé 1,5 million de dollars en 2017. Financement supervisé par la société de capital de risque spécialisée dans les investissements Rivo Capital afin d'accélérer sa croissance aux États-Unis. Si les consommateurs doivent débourser 10$ par mois, comme je disais, pour un visionnement, pour un abonnement chez sa concurrente MoviePass permettant de visionner un film par jour dans un format régulier, Cinemia, pour sa part, demande 10,99$ canadiens pour 2 projections par mois, c'est vraiment pas la même chose, dont une dans n'importe quel format, dont le 4DX, le 3D... mais pas les projections VIP. Ah, OK. D'autres options sont aussi en vigueur pour un ensemble de 3 films par mois, en plus d'aubaine pour un engagement annuel. Les abonnés reçoivent par la poste une carte avec laquelle ils peuvent acquérir des billets directement d'un exploitant de salle inscrit. Cinemia étend ses activités en Turquie, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, où elle fait cependant face à une poursuite de la part de MoviePass pour violation de brevet. Mais MoviePass n'a pas à s'en faire, leur forfait vaut beaucoup, beaucoup plus la peine. Mm-hmm. C'est incroyable, un visionnement par jour pour 10$ US. C'est pas mal mieux que 2-3 visionnements par mois, hein? Oui. Ensuite, Air Transat transforme l'univers des vidéos de sécurité à bord de ses avions. Ah. Donc, les vidéos qu'on présente aux passagers, là, pour, je sais pas, remettre ton siège droit, attacher ta ceinture, ouais, les trucs pour les sorties de secours, etc., etc. C'est un concept signé Sid Lee dans un univers de Vallée du Hamel. La vidéo s'inscrit dans la nouvelle image de marque du transporteur aérien proposée il y a 2 ans lorsqu'il a choisi Sid Lee comme agence principale. Le visionnement des vidéos de sécurité dans les avions est devenu une mécanique non agréable pour les passagers. C'est vu comme une interruption dans le voyage. Hein? L'équipe créative a donc regardé ce qui se faisait à l'international avant de proposer un univers propre à Transat qui souhaite faire voyager les gens dans la vidéo, de manière à ce qu'elle soit moins plate tout en demeurant éducative. C'est une citation ici. L'idée de faire appel à Vallée du Hamel est donc venue naturellement avec la création de ce monde de voyage, disent-ils. La création d'une vidéo diffusée à bord des avions pendant plusieurs années comporte son lot de défis stratégiques, on s'est dit. Le montage a aussi été pensé en section pour offrir la possibilité d'en modifier une partie seulement, plutôt que d'avoir à revoir, à refaire la vidéo au complet. Par exemple, si les cellulaires se transforment au fil du temps, la section pourra être adaptée pour que la vidéo demeure actuelle sans avoir un vieux modèle de iPhone de v'là 3-4 générations. Hein. Donc, c'est des vidéos avec des coupures rapides, très, très colorées, très, je dirais, enjouées, hop la vie, qui donne l'envie de regarder ça avec des néons, des trucs comme ça, c'est vraiment beau. Donc allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com et en effet c'est modulaire, donc je pense que c'est vraiment la meilleure solution qu'on pourrait avoir pour une vidéo dans l'avion en fait. Mm-hmm. Eh ben, cool. Hey, c'est une de mes amies qui est dans cette vidéo-là. Ah ben moi aussi. Salutations. Salut madame Tran. Ensuite, On va parler de Too Later Gram, des influenceurs qui ont posté de très belles photos de voyage, mais ensuite ils ont révélé la triste réalité derrière. C'est par WWF, donc le World Wildlife Fund, et TBWA Paris. C'est une campagne donc de sur Instagram, c'est bien ça, donc une campagne qui s'appelle Too Later Gram. Qui utilise le FOMO, la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose en n'étant pas sur tes appareils, tes téléphones et tout ça. Donc la WWF qui s'est mis en partenariat avec 9 Instagrammeurs populaires qui ont posté des photos très sereines de destinations absolument magnifiques partout dans le monde, amenant des commentaires des gens comme « Wow, c'est donc bien magnifique », etc., etc. Sauf que les photos étaient des bait and switch. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Du switcheroo, du « je te montre quelque chose, mais c'est pas vraiment ça ouais. », hein? Avec une photo en suivi plus tard dans leur fil, dans leur galerie, montrant que la destination merveilleuse était en fait une illusion et la vraie place a été dévastée par la pollution et d'autres formes de destruction comme ça. Donc la révélation était faite avec des messages comme « Malheureusement, vous ne serez pas capable de visiter cet endroit plus tard. Too Later Gram. Hashtag Too Later Gram. Il y a encore des endroits qui ont besoin de votre aide pour être sauvés et on doit le faire avant que les choses changent. Voilà, donc une belle petite campagne sur Instagram. Question d'utiliser nos Instagrammers préférés pour la bonne cause. Et c'est vrai que les photos ont l'air très, très belles, mais vu par après, c'est rempli de pollution et de dévastation. Ben oui. Ensuite, on va à Bangkok. On a inventé une façon révolutionnaire, en fait, de transformer les moustiques en tueurs de moustiques. Okay. Donc, l'agence qui a été approchée pour conscientiser les gens sur la prévention de ne pas tuer des moustiques, c'est bien ça. Donc, à Bangkok et dans plusieurs villes du sud-est de l'Asie, à la place de créer des affiches et des dépliants, des pamphlets, BBDO Bangkok a inventé quelque chose qui pourrait changer la façon que les moustiques sont contrôlés dans le monde. Ça s'appelle Nano Shoes. L'innovation couvre les pieds des moustiques dans un larvicide. C'est synthétique, naturel. Ils vont envoyer ça, dans le fond, dans des endroits où il y a beaucoup d'insectes qui se créent, la surpopulation d'insectes. Okay. Et dans le fond, les insectes vont devenir leurs propres exterminateurs. Ah, je comprends. Tu comprends? Donc, ils vont venir tuer les autres insectes. Ça a été créé en partenariat avec SCG Chemicals et Institut Pasteur. Donc, une solution qui a été difficile à trouver, mais quand même, on s'y est rendu. Un processus qui a demandé beaucoup de labeur. Hein? Voilà. Ensuite, parlons de trafiquer des panneaux d'affichage pour contrer la censure. Le pendant suédois de Reporters sans frontières lance Billboards Without Borders, une offensive remplaçant des publicités de panneaux d'affichage par des mots qui ont coûté la vie à certains journalistes. En 2017 seulement, 65 journalistes ont été tués et 326 emprisonnés pour avoir dénoncé abus de pouvoir, corruption et autoritarisme politique. Reporters sans frontières a donc fait appel à Google Maps pour révéler leurs mots censurés dans la foulée de Uncensored Playlist, dont on a parlé il y a quelques semaines, initiative qui visait à détourner la réprobation journalistique dans certains pays en faisant de la musique avec. Les publicités sur les panneaux d'affichage dans les espaces publics ont été uniquement modifiées sur Google Maps. Les panneaux physiques sont demeurés intacts. Un stratagème de l'agence Akestam Holst de Stockholm afin que les gouvernements répressifs ne puissent empêcher la diffusion de ces messages. Donc, sur la place rouge de Moscou, un panneau altéré clame désormais que l'homosexualité est normale. Une déclaration qui a conduit le journaliste Alexander Suturin à des accusations de propagande homosexuelle en plus d'une amende de 50 000 roubles. À Malte, un extrait du dernier article de la journaliste d'enquête Daphne Cuarana Galizia dénonce la corruption du gouvernement maltais. Elle a été tuée le 16 octobre dernier dans une voiture piégée, moins d'une heure après la parution du texte. Hey, my God. Et même à Times Square à New York, un nouveau panneau accuse le président Trump de différentes choses. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, parlons de comment promouvoir la Toyota Camry et ses nouvelles fonctionnalités de sécurité. On les a installées dans le vélo le plus sécuritaire au monde. C'est un partenariat entre 22 Squared et Priority Bicycles de New York. C'est un prototype qu'on ne peut pas acheter, mais on a créé un vélo, un BSEC haute technologie avec la technologie, en fait, d'une nouvelle Camry à l'intérieur. Hein? OK. Donc, Southeast Toyota Distributors, qui fournit des concessionnaires dans 5 États américains, ainsi que l'agence publicitaire d'Atlanta, dont j'ai parlé tantôt, se sont assemblés avec Priority Bicycles pour créer un prototype qui contient des sensors pour détecter des objets qui sont dangereusement près du vélo, envoyer une alerte à la personne sur le vélo avec des panneaux de couleur, comme dans la voiture, finalement. C'est ce qu'on a fait pour faire la promotion de la nouvelle Toyota Camry 2018. C'est fait pour être un hommage à tout ce qu'il y a comme technologie à l'intérieur de la voiture. Ensuite, un théâtre d'expérience signé Moment Factory à l'aéroport Singapour-Shanghai. Changi, C-H-A-N-G. Changi. Changi. OK. Jean-Guy. Jean-Guy. Donc, deux nouvelles installations multimédia à l'aéroport à Singapour-Changi. Deux œuvres, des œuvres architecturales qui visent à offrir une expérience améliorée aux voyageurs. Ça s'appelle Mur immersif et Histoire d'amour Peranakan. Les installations multimédia sont au centre du théâtre d'expérience proposé au Terminal 4 de l'aéroport. Première œuvre du parcours, Mur immersif souhaite offrir une expérience renouvelée des contrôles de sécurité grâce à la diffusion sur un écran panoramique de 70 mètres de largeur par 5 mètres de hauteur de 7 petites capsules de contenu immersif. Paysages alpins, sculptures virtuelles, panorama de Singapour, coulisses du système de manutention des bagages de l'aéroport, ou encore voyage imaginaire dans les nuages. Chaque capsule est dotée d'une histoire et d'une ambiance différente. Ensuite, plus loin dans le même terminal, le terminal 4, dans l'aire de magasinage, des devantures de boutiques réelles et virtuelles servent de décor à la narration d'Histoire d'amour Peranakan, un récit multimédia mettant en valeur la culture locale et développé en collaboration avec le chanteur singapourien Dick Lee. D'abord immobile, deux façades en DEL, lumière DEL, prennent vie dans l'histoire d'amour de deux familles formées des descendants des premiers immigrants chinois installés dans la région. Déclic qui a composé la musique et assuré la direction conceptuelle de l'installation qui dédouble l'expérience de magasinage en un moment cinématique prenant la forme d'un court-métrage immersif combinant des éléments physiques, musicaux et numériques. C'est pas la première fois que Moment Factory collabore avec un aéroport, ils l'ont déjà fait en 2013 à Los Angeles. Voilà, je pense que oui, on peut se terminer ça là-dessus déjà. Le bloc pub, les liens sont sur les notes de l'émission numéro 1, 2, 3, 6. Voilà. On termine l'émission aussi là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à nos chroniqueurs aujourd'hui. Merci à Dominique Nodmavungu qui nous a fait Voix d'Afrique. Merci à Justine Renaud pour Justine Pertine. Oui, tout à fait. Jimmy Thibodeau. Merci à toi, du plan. Merci, Tania Baudin. Il nous reste une émission régulière et ensuite une émission spéciale. Donc, deux émissions ensemble. On continuera ça demain parce que pour l'instant, nous, il nous reste 6 émissions sinon. Exactement. Voilà. Restez sur nos ondes parce que plus tard à l'émission, plus tard sur C'est Fou, oui, qu'est-ce que c'est? On va avoir C'est Fou le sexe qui commence dans quelques instants à 10h. Sinon, plus tard aujourd'hui, en ce mardi, on va avoir la reprise de Rock de Neurone à midi. C'est dans ta face, ça va être là à 15h en direct. 19h, réanimation avec du métal et de horreur et 21h, matière noire. J'ai oublié de dire ce qui s'en vient demain. Sébastien Viertin va être là en début d'émission. Ensuite, Mathieu Janvier, heure et jour spécial à 8h30 demain pour sa chronique jeu de société, jeu à gogo. Et puis, dans les coulisses de la Luitre, peut-être, si tout va bien. Si tout va bien. On se quitte avec... On se quitte avec Queensland. C'était, tu vois, le nom Queensland, je l'avais en tête, fait que j'ai dit quitte. Queensland avec Choke. Question de s'étrangler un petit peu pour des plaisirs sexuels inappropriés. Avec ses full sex dans quelques minutes. À demain. Bye. Bon café, tout le monde. Promise blue to the wallet and I imagine can bring you back from misty like a snake around her neck. It's choking her to can bring you back from this to like a snake.